Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de ARZO et une production Young Media. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro Nouveau. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 124e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les gars? Yeah! Oui, yeah. On est malade! Tout le monde est malade, février, c'est-tu? Tu finis de finir cet hiver, là. On va mourir. Je sais pas si on va se rendre. C'est ça. Oh, Lynn. Aïe, aïe. Fait que tour de table, je suis avec Nick Lachapelle. Tu vas parler de quoi ce soir? Aujourd'hui, je vais vous parler du A Link to the Past Randomizer. Oh, et monsieur. Et on va faire une super discussion sur la Sega Dreamcast. Yes! Oh. Jeff Chrome, ce soir, je vous parle de Sprint Vector, un jeu de course interdimensionnelle en VR. Vous allez en swing shot. T'es ouais, je me sens quasiment mal d'enchaîner après ça. Fred Jemus, et je vous parle de l'invincible Iron Man. Non, l'invincible homme de fer. Calique, je raconte. Ouais, c'est ça. On recommence les jokes. On repasse ça. Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, va parler de SteamWorld Dig 2, donc la suite d'un de mes grands classiques. Puis on va avoir une petite discussion d'or gris aussi, qu'on va faire un tour sur l'arcade. Oui, monsieur. Puis on va montrer des beaux trésors. Yes. Des beaux trésors de Richard. C'est pas la blague tabou, ça. Ouais. Je vais également vous parler de mon Game Boy modifié que j'ai reçu de Retro Modding. Fait que je vais vous faire une critique de ça. Et puis, je voulais vous dire, Rétro Nouveau Solo, il y a un épisode qui a été enregistré la semaine passée. Vous pouvez aller écouter ça. La semaine prochaine, il se peut qu'il n'y ait pas de Rétro Nouveau Solo parce que je vais être en vacances comme plusieurs d'entre vous qui sont en relâche. Ah oui, ça arrive. Sur l'âge, sur l'âge. Avec l'âge. On s'en va dans un chalet. On s'en va dans un chalet, mon pidum. Yes. Je vais amener la Tari, là. Bruno m'a convaincu d'amener la Tari pour l'occasion. Ah oui. Oh, bah, bah, pendant qu'un gars n'a soudé, nous autres, on va aller. Ouais. Le gars n'a soudé sur le tête chien. Pas niaisable. Ça va être beau. Ça prend du bois dans ce chalet-là. Ah oui. Je trouve que ces consoles prenaient, ça marche chalet. Si moi j'avais un chalet, il y aurait une télévision et un coléco de brancher là en permanence. Avec les boys. C'est parfait. Mais faudrait, c'est ça, faudrait une TV à tube avec du bois autour là, deux enceintes de son là. Ça marche pas. On va travailler là. On va se barrer le dos à monter une TV. Tu fais poubelle un mardi soir, peut-être que tu vas réaliser un peu tes rêves. Exact. Aïe aïe. Fait que c'est ça, puis j'aimerais rappeler aux gens, allez nous faire une critique sur iTunes, ça nous aide énormément dans le rating et la grosseur de la patente puis tout. Fait que c'est ça, puis ça nous fait plaisir de vous lire. Fait que c'est ça, sur ça, on va commencer directement le show avec la critique. À soir, c'est toi qui déchire, la balle, c'est moi qui start ça avec The Invincible Iron Man sur Game Boy Advance, un jeu fait par Taurus Games et publié par Activision en 2002. Donc, si vous êtes Taurus, des fans... Taurus, c'est-tu le GoBots de Atlus, ça, genre? C'est le penchant astrologique. Non, c'est Taurus, c'est une compagnie américaine, en fait. Un petit studio comme il y avait beaucoup pour la GBA à l'époque. Donc, en 2002, donc, si vous êtes comme moi, puis des gros fans du MCU ou le Marvel Cinematic Universe pour les incultes, alors vous saurez que ça se passe avant tout ça, en 2002, parce que ça a commencé en 2008, tout ça, avec le film d'Iron Man. Fait que là, on est vraiment dans les années 2000, là, dans le temps de tous les Spider-Man qui étaient très cool et les autres qui étaient moins cool comme Daredevil et compagnie. Hey, dis donc, jamais ça. Non, pas le Ben Affleck. Ah, le film, là, ok. Electra. Non, moi, je dis pas des sacrilèges comme ça. Il y a même eu un stand-alone d'Electra qui était tout aussi mauvais. C'est ça que je faisais référence, stand-alone d'Electra. Yes, c'était les bonnes années de cochonnerie. Bref, le jeu, c'est plus inspiré dans l'univers des comics qu'on peut voir à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Donc, c'est vraiment un jeu d'action plateforme. Là. C'est assez standard comme jeu. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux comme ça sur GBA. Et dans ce jeu-là, dans le fond, on joue évidemment Iron Man qui doit investiguer, dans le fond, un vol de ses armures et de sa technologie. Tu sais, dans le fond, quand tu parles d'Iron Man, là, ça finit toujours par un vol de technologie. Il est toujours en train de checker sa technologie. Chris, il est pire que Steve Jobs. Fait que, évidemment, tout ça te mène à trouver des vilains des comics et... Ce jeu-là, j'avais vraiment hâte de le... J'étais vraiment content. Je l'ai trouvé dans un pawn shop pour 5$. Puis c'est un jeu qui a vraiment beaucoup monté en valeur. Parce qu'il était toujours... Il a toujours été mentionné dans les listes de Hidden Gems de GBA. Alors, évidemment, quand j'ai vu ça, j'étais bien content de rajouter ça à ma collection. Et c'était un jeu pour lequel j'avais eu beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais pour lequel j'ai été un petit peu déçu, je dois vous l'admettre. Donc, on va commencer par ce qui est bon. Je pense que le cœur du jeu est quand même assez solide. Donc, on a vraiment une bonne manœuvrabilité du personnage. On a des bonnes habiletés. On peut faire des dashs, du double jump. Évidemment, c'est Iron Man, fait qu'on garoche des boules d'énergie. Donc, ça me fait beaucoup penser à Mega Man X à la base. Donc, c'est ça. J'allais dire ça parce que les sprites d'animation, juste le idle, exactement, me fait penser vraiment à Mega Man. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis un gros fan de Mega Man X, fait que c'est pile dans mes cordes. La seule différence, c'est que là, on a un peu des... On a pas mal de barres d'énergie à gérer. Donc, tu sais, quand tu tires tes blasters, ben ça bouffe de tes batteries qui se rechargent tranquillement. Fait que, tu sais, si tu charges ton attaque puis tu fais une attaque chargée, ça coûte plus cher. Fait que t'es un peu tout le temps en train de manager ces barres-là puis ta barre de vie, évidemment. T'as aussi un dash là-dedans qui, mané, tu te rends compte vraiment rendu à la fin du jeu que ce dash-là, il fait mal. Fait que si à la maison, tu t'attrapes le jeu, tu peux dasher dans les ennemis puis ça les pousse. Toi, tu t'es rendu compte de ça à la fin. Ben oui, parce que le boss de la fin, spoiler alert, il faut le battre avec ça. Donc, ce qui est assez spécial, c'est qu'on on débloque pas de nouvelles habiletés au fur et à mesure du jeu. Donc, on commence avec le même set d'habiletés qu'on finit, ce qui est un peu spécial. Mais bon, le feeling de base est quand même bon. Là où est-ce que ça blesse un peu, c'est en termes de contenu. Là, on peut dire là, que ce jeu-là, il manque cruellement de contenu. Donc là, on parle à peu près 8 niveaux dans le jeu, puis ça comprend les niveaux qui sont les niveaux de boss fight aussi. Donc ça se fait à peu près en une heure et demie, mettons, que tu rushes. Ah ouais, c'est même pas une raid de char à Québec. C'est ça. Fait que tu sais, pour un jeu de GBA qui te coûte une cinquantaine de dollars, c'est pas débile. T'avais même pas la paix avec ton enfant, c'est ça. Ouais. Tu sais, côté ennemi, là, en tout cas, comme je disais tantôt, on rencontre des vilains du jeu. Ben, on en rencontre 2 ennemis, je dirais. Donc, on rencontre le cousin de Tony Stark. J'ai oublié toujours son nom, mais le cousin jaloux qui vole la tech, mais qui vole un saut d'ennemi générique dans le jeu. Larry Stark. Tu t'en rends pas compte. Billy Stark. Pour ceux qui... Tony Stark. Corn Stark. Puis évidemment, sinon, il y a juste 2 autres boss. Il y a Blizzard, là, qu'on a vu tout à l'heure, ceux qui regardent en vidéo. Oui. Donc, qui est un vilain classique d'Iron Man, et le Crimson Dynamo, qui est comme, dans le fond, le bizarro Iron Man, ou l'équivalent soviétique méchant. Okay. Donc, c'est lui, finalement, qui vole toute la shit. Fait que, encore une fois, spoiler alert en retard. Bref, puis tout le jeu, c'est à peu près toujours les mêmes ennemis, les 4, 5, 6 mêmes ennemis toujours qui reviennent. Ça devient un peu plate. Et ici, il y a une belle maison en clapboard. Là, exactement. Il y a comme 3-4 sets de visuels de niveau, et ça passe assez vite. Fait que, côté présentation, là, c'est vraiment assez mitigé. T'sais, on voit là, les graphismes sont quand même beaux, c'est très coloré, c'est quand même, il y a beaucoup d'attention aux détails, les animations sont très fluides, mais en même temps, on dirait que ça ne fit pas avec le personnage d'Iron Man. Ça a plus l'air un peu d'un... Excuse-moi, je t'ai kické le Doritos pendant que tu... Excuse-moi, je vais attendre après ta chronique c'est ça, pour faire le plein de Doritos. Tu me déconcentres, je suis salé. Totalement là. Manque de classe. Puis... mais on dirait que ça fit pas avec Iron Man. On dirait que c'est un peu trop cartoon gentil. Il y a comme de quoi qui. Ben, quand je le vois courir, je trouve ça un petit peu colon. C'est ça, ça fait vraiment les dessins. C'est pas Iron Man. Mais c'est comme son checkpoint, c'est comme yeah! Ouais, exactement. C'est comme la période chibi où il essayait de plaire au public plus jeune. Écoute, probablement que c'était un studio qui devait faire beaucoup de jeux pour enfants. Puis les animateurs, c'était juste ça qu'ils étaient capables de faire. Fait qu'on leur enlèvera pas ça. Par contre, là où est-ce que vraiment le caca frappe le fan. C'est côté musique puis effet sonore. Honnêtement, j'ai jamais entendu de la musique aussi mauvaise sur GBA. Je vous conseille vraiment de fermer le son du jeu pour jouer. Puis sinon, allez voir une vidéo sur YouTube. Jeff, t'as dû sûrement l'entendre en faisant des captures. Non. La musique est tellement générique et loop. C'est incroyable. Sérieusement, ça m'a choqué. Ben, c'est sûr que j'aime Iron Man. Fait qu'en partant, j'avais des attentes et tout. Ouais. Mais bon, par contre. Tout ça, tu dis, au moins, tu coupes le son. La variété, c'est pas si grave que ça et tout. Exactement. Un jeu qui se passe bien. Il bouge bien. C'est correct. Mais là, on parle d'un jeu avec des niveaux vraiment plates. Alors là, le level design est vraiment, mais vraiment ennuyant. Là. C'est des niveaux classiques, comme au Super Nintendo ou au Sega Genesis, où est-ce que tu avais des niveaux, on dirait que c'était comme des labyrinthes en side-scroller. Tu fais juste chercher ton chemin et te perdre. Puis tu sais, il y a aucun moment excitant dans le jeu. Tu sais, tu joues Iron Man, puis tu t'attends d'avoir des... Tu sais, tu voudrais qu'il y ait des trucs que tu te rappelles du jeu. Tu sais, tu dis, le boss fight, au moins, il était cool. Pis, mais tu sais, tout est très, très, très générique et by the book. Puis c'est vraiment décevant. Parce que tu sais, il y avait plein de belle possibilité justement de faire des trucs cool, d'avoir au pire des boss fights. Il n'y a pas de niveau en mouvement, il n'y a pas de niveau vraiment qui sort du lot. C'est même les Turtles à l'époque qui faisaient des beat'em up, ils faisaient semblant qu'il y avait un niveau sur des planches à voile ou des skateboards volants. Ouais. Même si c'était la même maudite affaire, mais au moins tu t'en rappelais comme un moment intéressant du jeu. Puis là, il y en a comme pas. Y a rien. Ça aurait été si facile de faire au niveau de shmup, tu sais, que tu vas voler tout le temps et tu tires des balles. Ben, il y en a dans des jeux d'Iron Man. Exactement. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont. Tu sais, Iron Man, il me semble, son armure, ça fait partie du personnage de toujours upgrader son armure. Puis là, il n'y a aucun upgrade qui arrive et tout. Fait que tu sais, ça sent vraiment le jeu que des gars compétents qui ont fait un jeu avec pas beaucoup de temps, puis tu sais, qu'ils ont vraiment surtout ça genre, à l'usine. Ça doit être un jeu à 200 000 piastres, là, tu sais. Ah non, même pas. 200 000, t'exagères, là. Ah, je te jure, ça a dû être fait assez vite. Fait que bref, j'avais vraiment beaucoup d'attentes pour ce jeu-là. Un peu comme pour Lilo et Stitch 2. Alors, je l'ai comparé à ça. Hey, puis je me suis dit, hey, Lilo et Stitch 2, dans le fond, il y avait quand même beaucoup de contenu. Il y avait pas mal de variétés. Puis tu sais, il y avait quand même fait des efforts d'avoir des petits moments de surprise. Ce qui me force à finalement à donner à The Invincible Iron Man la note de 6 sur 10. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que je donne ça parce que j'aurais vraiment, mais vraiment aimé ça que ce soit un bon jeu. Hey, c'est-tu ce que tu pourrais aimer, man? Dej, il est en train de vendre tous ces jeux qui trippent moins au Game Boy Advance, des jeux complets. Et puis, il y a Babar Sealed. Babar Sealed. Il a acheté plein de jeux de même qui sont des platformers, comme Lilo and Stitch, comme ça, comme Babar. Ouais. C'est tous des... C'est-tu des pop-up platformers, ça? Comme semi, mais ouais, t'es pas cas, sûr. Si tu veux te tenir dans des vagues semi-houleuses de jeux, si tu bon ou non, je te recommande d'acheter le Babar Sealed at Edge et nous en faire une critique. Je te dirais que je suis pas tant intéressé, mais tu sais, j'ai vu qu'il avait fait justement un jeu de Daredevil de l'époque, Daredevil à Fleck, et je suis vraiment curieux de l'essayer. Puis j'ai regardé les vidéos, puis ça a l'air d'être dégueulasse. Ouais. C'est un beat'em up avec de la plateforme. Il y a plein qui est supposé être bon. Ouais, il paraît que c'est pas si pire. Il paraît qu'il est pas pire. Si, il y en a plein, puis ils sont tous. Ouais, exactement. Puis c'est dommage parce c'est que celui-là, tu sais, tu regardes, tu dis, hey, la base aurait pu être excellente. Ben oui. Malheureusement, ils ont droppé le ballon solide. Si jamais vous voyez ça pas cher, vous voulez l'essayer, allez-y, mais allez peut-être pas dépenser, à moins pour la collection. Il coûte cher, il est dur à trouver. Moi, je pensais qu'il était bon. Je vais te le prêter, tu me le ramèneras. Ça va être la merde. Ben, j'ai plus le goût. T'as plus le goût. Il coûte combien, t'as dit? Je pense qu'il est 35 US. Il est dur à trouver. Ouais, loose. Une petite cassette. Mais en Inde, moi, j'ai failli commander l'autre fois, puis il me coûtait 40. Ouais. Fait que je suis comme, je suis pas sûr, ça me tente. Ben, si t'aurais écouté Retour Nouveau, tu venais de sauver 40$. Exactement. On va faire baisser le prix du jeu, il va devenir achetable. Ouais. Et là, on va l'acheter, man. C'est même, ça marche. Internet. Comme des tips sur les stocks. C'est ce qu'on fait, nous autres. On est comme le. À la fine pointe de la crise. Ouais. All right, guys. Moi, je vais vous parler de quelque chose d'intéressant. C'est pas une critique. Attendez-vous pas une note à la fin. Non. Mais pendant que vous battez pour la meilleure Doritos... C'est qu'à pointe d'un zère. On voit-tu à l'écran ici? À t'as pointe bandée. Ah ouais. À pointe d'un zère. Puis là, c'est ouais, fier. Tout le show déraille à cause d'une chips qui pointe d'un zère. Vas-y, Bruno, sérieux. Ah. Moi, comme érecté. À l'air d'une chip qui aime ça les vacances puis les festivals. Alright, donc on continue. Moi je vais vous parler de un bon vieux classique. Je pensais que t'allais nommer le nom du jeu, maudit. Ok, je vais parler de bon vieux classique bon, revu à une sauce moderne. Alors A Link to the Past Randomizer ou ALTTP Randomizer. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a vraiment. C'est fun, on a un nouveau trademark. Exact. C'est ça, merci. Merci pour l'écho. Depuis une couple d'années, il y avait une couple de randomizers qui ont sorti sur le web. Il y a eu un randomizer pour le Zelda classique de la NES. Il y a eu un randomizer pour aussi Super Metroid. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Tu peux nous expliquer c'est quoi avant de nous dire qu'il en existe plein? Exact. C'est en fait des gens qui vont développer un logiciel. Qui à l'intérieur de ça, il y a l'algorithme qui fait que ça va juste randomiser tous les items du jeu. Et c'est aussi simple que ça. Peux-tu expliquer pour nos auditeurs qui ne comprennent pas le terme randomiser? Okay. Ça veut dire que de façon aléatoire, ça va mélanger tous vos items de jeu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas juste mélanger les items de jeu, mais il y a aussi différentes adaptations du jeu qui ont été faites. Premièrement, qu'est-ce que ça prend? Retro Nouveau n'endosse pas en fait l'utilisation de ROM si vous ne possédez pas la copie originale du jeu. Si vous ne la possédez pas, j'en ai plusieurs à vendre sur Retro Love. Le seul ROM qu'on encourage, c'est Captain Morgan. Exactement. Tabarnak. Merci, tu sais. on se cherche une commandite c'est de rhum. Sailor Dan nous écoute. Sailor Jerry serait pas pire aussi. Du rhum québécois, ça existe. Ça. Ouais. Captain Dave! All right, so, donc... Voilà, on a du gameplay. Tout à fait. Qu'est-ce que ça va faire, en fait? Ça va prendre le rhum, et le rhum japonais, très important. Zelda no Densetsu, Kamigami no Triforce. Mais la version 1.0 du jeu, parce qu'il y a certains bugs qui faisaient que tu pouvais aller plus vite. Dans le fond, là, quand les gens font des speedruns, ils utilisent cette version-là. La version japonaise, pourquoi? Entre autres, le texte est vraiment... beaucoup moins présent que la version anglophone et beaucoup plus rapide, en fait. Fait que ça va vraiment plus vite. Et il y a 2-3 petites différences avec la version 1 où tu peux courir, dasher et utiliser une arme en même temps. Là, ce que ça va faire, en fait, tu as comme 3 modes de jeu que tu peux sélectionner. Il va te demander de mettre le ROM dans un site web. Tu vas mettre le ROM que tu as et il va retravailler ça avec son algorithme et te cracher un nouveau ROM. Ce nouveau ROM-là, que tu vas pouvoir utiliser avec un émulateur, eux recommandent, par exemple... SNES 9X. Ouais, c'est classique, ça. Ouais, c'est ça, mais il y a une nouvelle version, je pense que c'est 1.52 qu'ils vont recommander, puis c'est... Tu mets ça là-dedans, tu commences à jouer. Dans le fond, ton ROM, il est randomisé. Fait que si je te le donne, Dominique, tu vas jouer la même expérience que moi. Ouais. Ce qui donne lieu à... Pourquoi ça, il y a un phénomène en web présentement, c'est que les gens font des speedruns, mais avec le même ROM mélangé, un à côté de l'autre. C'est un mode supporté, même sur la page... des développeurs, ça l'encourage à 8h le vendredi, il va y avoir des compétitions. Okay, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais attends, là, ça dit que ça mélange les systèmes. Là. Exact. Fait que là, ça défait l'ordre du jeu. Tout à fait. Fait qu'en tant que speedrunner, ça démontre à quel point tu connais bien le jeu. Quand exact. Tu dis, fuck, OK, là, c'est plus là, faut que je cherche ailleurs. T'as tout compris. Tu sais, nous, comme moi, je l'ai essayé, puis bon, simple mortel, je vais avoir un petit peu de difficulté à me promener d'un... quand j'ai pas la torche dans certains donjons. Ah. Mais il y en a qui le savent par cœur, mais c'est pas grave. Arrêtez-vous pas à ça. Oui, tout à fait. Mais arrêtez-vous pas à ça, parce que dans le fond, tout est randomisé. Fait que tu sais, tu peux arriver, le premier item que tu vas pogner... Tu peux grosse épée tout de suite en commençant, tu peux tout à fait pogner, ouais, tu peux pogner le Master Sword dans le premier coffre du premier donjon. Tu sais, il y a une couple d'affaires qui ont gardé, comme si tu joues le mode normal, en fait, tu vas quand même devoir commencer au début du jeu, aller voir ton oncle dans le tunnel, il va te donner l'épée. Bon, là, ça commence. Mais t'as aussi le mode... sans épée, c'était vraiment hardcore. Fait que là, lui, il va te donner... Là, c'est vraiment difficile. Faut que tu utilises tous les autres items. Puis on a un petit peu fait des modifications au jeu pour être sûr que tu puisses le finir. C'est ça qui est le fun. Toutes les options du jeu sont finissables. Et l'outil va aussi te donner un spoiler texte, si tu veux. Où ils vont te dire exactement où sont tous les items. Si t'es vraiment pogné, tu pourras aller lire ce texte-là qui est outputé. C'est vraiment, vraiment clever. Et l'affaire qui est intéressante, c'est une nouvelle expérience. C'est vraiment le fun. Puis il y a d'autres modes. Selon moi, le mode le plus intéressant, c'est le mode open world, dans le fond. Ben, open, en fait. Tu vas commencer à la maison de Link ou dans le sanctuaire. Tu vas pouvoir faire ça dans ton ordre préféré. Mais tout est randomisé. Fait que c'est vraiment comme si on pourrait dire un Breath of the Wild sur Super NES, où tu vas juste te promener, pogner des items, essayer des choses. C'est vraiment intéressant. Puis tu sais, dans le fond, quand tu commences et tu n'as pas d'épée, là, ben qu'est-ce que tu fais? Tu lances des buissons. Tu lances des buissons et des pancartes. C'est vraiment ton arme. Là, t'es comme, hey, tabarnouche. Le mode voyou. Exact. Mais... le mode Hochelaga. Exact. Tu relances ce que tu trouves. Exact. Puis d'un buisson, tu peux trouver une bombe. T'sais, ça, c'est encore plus Hochelaga. Fait que tu vois, ça on est vraiment... Ça arrive. Plus maintenant, mais bon. La crise d'octobre. Ouais, alors, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Ton expérience de jeu est complètement déconstruite. C'est le fun, c'est drôle. Un peu frustrant des fois, mais vraiment, vraiment spécial, tu sais. Fait que je vous dis, tu sais, c'est comme vraiment donner une nouvelle vie à quelque chose, tu sais, que ben oui. Vous avez, même si tu connais le jeu par cœur, tu sais, on en connaît, mettons, monsieur Michael Baroque Larouche qui, l'avait juste speedrunné comme d'une shot, là. Ouais, tu sais, vraiment un pro, ben, vous pourriez toujours essayer cette version-là. Puis, si tu l'as fini rapidement, tu peux te faire d'autres options. Il y a une couple d'affaires, le fun aussi. Tu peux changer l'objectif de comment gagner le jeu. Tu peux battre Ganon, ramasser l'épée, ramasser toutes les Triforces. Ouais. Tu peux comme varier ton expérience et quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Il y a un mode de difficulté. Tu peux prendre easy, mais tu sais, comme normal, hard, very hard. Fait que ça, c'est, les ennemis vont être plus difficiles à tuer. Fait que tu sais, il y a vraiment plein d'options de faire des choses. C'est vraiment un outil intéressant, c'est en ligne, c'est comme un projet, c'est pas du code ouvert, mais tu peux aller l'utiliser, c'est un web app, puis ça te crache ton ROM, tu vas pouvoir l'utiliser. Je ne pense pas que ça peut fonctionner dans, disons, les cartouches de flash, la simple et bonne raison, je pense que J'ai rien regarde-moi lu. Regarde-moi pas. Moi, ouais, c'est ça. Ben, c'est pas clair pour moi. J'ai pas lu aucune documentation qui me le disait. Vous pourriez l'essayer, nous le laisser ben, savoir. Ça te fait une rhum, ouais. Dans le fond. Ça te fait un rhum, mais tu sais, je sais pas si c'est legit. Y a-tu des CRT checks qui marchent pas? Aucune idée, là. Mais, écoute. En tout cas, essayez-le à la maison. Vous pourriez nous dire si vous aimez ça. Puis tu disais qu'il y en avait sur plein d'autres consoles aussi en début de. Ben, il y en a sur d'autres jeux, en fait. T'sais, moi, j'ai regardé celui-là. Ouais, il y en a sur d'autres jeux. Il y a Zelda Classic. Il y a aussi Super Metroid. Il y en a sûrement d'autres si on fouille. Castlevania Symphony of the Night. Il faudrait vraiment voir si ça serait possible. Il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Ouais. Pour les ROM, Nick, il y a Johnny Gretis dans le chat qui dit que ça fonctionne sur une SD2 SNES. OK. Donc, donc ça prend vraiment... Ça marche. Peut-être certaines flashcards. OK. Ben merci, M. Gretis. Alors, même belle expérience pour renouveler un petit peu votre amour de ce jeu-là. Et ce qui peut être vraiment intéressant, c'est que j'ai pas eu l'occasion. J'ai regardé beaucoup de streamers le faire, là, mais la compétition, là, genre Time Challenge à deux, là, c'est vraiment magique. Mais ont-tu les deux le même... Il y a la même ROM, les deux. Exactement le même ROM. Okay, okay. Par contre, t'en as un qui va avoir le Link Shadow Link, là, dans le fond, puis l'autre va avoir le Link normal pour différencier les écrans. Là. Okay. Mais c'est vraiment cool, puis c'est le fun à regarder. Il y a certains streamers qui deviennent intéressants dans le genre. Fait que c'est une belle expérience, je vous dis. Si vous avez aimé le jeu et que vous voulez une nouvelle twist là-dessus, essayez ça. Mais comme je dis, faut que vous possédiez la cassette japonaise de Zelda pour pouvoir y jouer de façon légale. Retro Nouveau vous encourage toujours à suivre les règles et les législations en place dans votre pays. Alors sur ce, belle expérience, essayez ça. Vraiment le fun. Yes. Avec pas de note pour ça. Parce donne que... pas de note parce que tu sais, tu peux pas donner une note à non, chaque expérience. C'est illégal, Dominique. On peut pas donner une note. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Non, ouais. Mais Nintendo n'ont pas envoyé de season desist ou rien là-dessus. Ils laissent aller. Je pense que techniquement, eux, l'algorithme fait rien de mal parce qu'eux ne possèdent pas le ROM. Donc, tout ce qu'ils font au niveau du programme est légal dans un sens parce qu'eux ne possèdent aucune information du ROM. C'est toi-même qui vas aller utiliser un ROM. Quelqu'un dans le chat dit qu'il y a ça pour Metroid aussi puis ils n'ont pas envoyé non plus de season desist là-dessus. Ça, possiblement qu'ils n'ont pas un peu, encore de mais légal. Ils ne te le vendent pas, ça, oui, ils n'ont pas de c'est gratuit, ça. Bon, ben, c'est ça. Tant que personne ne se fait de l'argent. Ouais, mais avec ils ont shutdowné certains projets gratuits, comme quand il y a eu le Metroid 2. Ouais, mais il y avait ça, c'est pas pareil. Un c'est que ça, c'est que ça donne que l'impression le gars était trop que c'est bien. Un c'est l'IP. Mais en tout cas, ça vraiment, je vous dis, utilisez-le. Bon, est-ce que ça va disparaître? On ne sait pas, mais allez faire un tour là-dessus. Ça va vous. Pêchez-vous de garocher vos ROM là-dedans. Ouais, ouais. Bon. Fun. Moi, je mettrais un. Comment il s'appelle là? Ah, j'allais faire une joke, ça n'a pas marché là, ce fois. Mettre un ROM là-dessus. Je suis comme Richard Desjardins. Discussion maintenant. Ben oui, on va parler à soir de la Dreamcast. Yes. Nick. Fait que, tu sais, moi, c'est une de mes consoles favorites de tous les temps, en fait. Ouais. Tu sais, dans le fond, là, ce qui s'est passé dans la vie, là, c'est que moi, j'ai eu une PlayStation 1. Puis, ah, c'est ça que c'est passé. C'est ça que c'est passé. C'est pour ça, et la question. J'ai pas possédé de Nintendo 64 et ni de PS2. J'ai joué à ces consoles-là, mais je n'en ai pas possédé. Okay. Pour moi, tu sais, à partir de la PS1, l'évolution logique, normale, désirable était la Sega Dreamcast, qui avait tout ce qu'on pouvait vouloir dans une console de l'époque. on fait un petit... et plus encore. Ouais, on fait un backtrack dans le temps, tu sais. Sega Saturn, grosse console... Gros espoir gros pour projet, Sega. Gros projet. Après les espèces de... Après les... Ouais, mais les problèmes de la 32X, de la Sega CD, tu sais. Sega avait besoin d'un gros hit. Puis ils ont sorti la Sega Saturn, qui était quand même une machine intéressante, mais trop complexe pour coder. Elle avait genre deux CPU. C'était, c'était l'enfer, tu sais. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de RetroNouveau.ca, puis dans le temps des Retro Nouveau TV, j'avais fait une chronique sur Sega Saturn. Quoi, oui. Qu'est-ce qui est, pourquoi, puis tout ça, puis comment bien s'équiper en Sega Saturn. Puis là, ça fait plusieurs années, fait que les prix rajoutaient tout 20$. Là. Ouais. 20 puis 30$. Mais ça, par exemple, c'est un gros problème que la Saturn a eu. Le monde n'était pas capable de coder là-dessus puis de faire des jeux là-dessus. Fait. Parce qu'il y avait deux processeurs. C'est deux processeurs. C'était plus compliqué que la PS1. Exact. Ultimement, il y a beaucoup d'excellents jeux sur Saturn, mais ça s'est vraiment pas vendu. Au Japon, par exemple, ça marchait. Ouais, ouais, ici, en Amérique, ça a floppé. Fait que là, ces gars ont dit, ben là, on peut pas manquer notre coup. Fait que là, ils ont parti en parallèle pendant qu'ils voyaient que la Saturn n'allait pas bien. Genre deux projets. T'en as un qui s'appelait, en fait, Black Belt, qui était un produit que Sega of America essayait de développer en parallèle. Et tu avais le projet Katana, qui était le projet japonais de Sega. Fait qu'il y avait quand même une compétition interne. Ouais, malsaine. Ben, un peu malsaine, tu sais. Ultimement, c'est Katana, la version japonaise, qui a été choisie. Même c'est si sûr. Certains disent, bon, c'est politique, c'est Sega. Ça. C'est ça, mais alors, tout le monde était. En fait, la version américaine, c'était en partenariat avec 3DFX et tout comme ça. C'était vraiment un peu comme aujourd'hui les consoles qu'on a qui sont plus faciles à coder pour. Même Microsoft est impliqué dans la version américaine. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Ben, ils se sont retrouvés quand même à être impliqués dans la version finale de la Dreamcast parce qu'il y a Windows CE qui est là-dedans. Ouais. Et l'avantage que ça avait, c'est que la Sega Dreamcast, qui n'avait pas fait les erreurs de la Saturn, c'était vraiment facile à développer là-dessus, en fait, par rapport à une console de l'époque. Et donc, il y a eu quand même un bon support de jeu. Belle console, ça sort en novembre 98 au Japon. Ils ont des problèmes d'approvisionnement parce que la chip qu'ils utilisaient de NEC n'était pas encore vraiment disponible. Il y avait des problèmes de production. Fait qu'ils ils en ont vendu genre, je sais pas, 300 000 unités, quelque chose de même. Et ça n'a pas été un gros succès au Japon. Okay. Là, Sega ont dit, bon, on va apprendre, on va attendre de stabiliser notre production. Et là, quand ils sont arrivés, Monsieur Gémus, de 1999. Qui est sûrement la meilleure date de lancement d'une console de tous les temps. C'est satanique à fond. On s'en rappelle pour toujours. 99. Eric Hébert avait commandé le jour même. Il avait acheté ça le jour même. Ouais. Il s'en rappelle, il m'en parle là, avec passion. Puis il y avait quand même des beaux titres. Comme il avait été cherché une douzaine de titres quand même. Pour le lancement américain. Moi, je me rappelle, on l'avait pas acheté, mais on l'avait loué. On avait tellement eu de fun avec Soul Calibur, House of the Dead. Moi, j'ai joué pour Sonic Adventure qui était là. On a fait le Blitz. C'était des ports d'arcade direct ou des affaires. C'était rien que ça. Oui, mais c'était quand même. C'était vraiment un beau succès pour un launch Amérique du Nord. Fait que ça a été quand même un record Guinness. Ils ont été pendant longtemps le plus successful launch ever. Une histoire incroyable. Tout va bien, là, ces gars, et là, wow, ça va bien, cool, on n'a pas à faire de l'histoire. Puis là, t'as Sony qui est comme, attendez une minute, on n'est pas mort. Là, tu quoi? On a le PlayStation 2 qui s'en vient, mais dans un an et demi. Là, fait que là à partir du moment où Sony a commencé à shiner du vaporware puis des affaires qui n'existaient pas, là, le monde s'est dit, hey, moi, j'ai une PS1, ça vaut-tu la peine que j'achète la Dreamcast? Hey, cher, mais t'es pas si cher, t'as 200$ US, je pense que c'est 300 canadiens, quelque chose comme ça. C'est vraiment un bon prix, mais là, le monde a dit, ben, je vais attendre la PlayStation 2. Fait que là, les ventes n'ont pas été aussi bonnes après le launch. Puis là, à un moment donné, malgré le fait qu'il y avait des super bons jeux là-dessus, et il y avait ce spectre-là du PS2 là, qui était là. Quand le PS2 est arrivé, puis on a dit « Hey, on a la PS2 » et « By the way, on a un DVD intégré. » C'était comme un des DVD pas tellement plus cher qu'un DVD normal. Console de jeu. Moi, j'ai écouté longtemps des films là-dessus. Ça me sauvait un appareil. Ça a été la haute technologie, un lecteur DVD dans le temps. Ben, tout était cher, c'ti. Mais ça a été le killer feature de la PS2 pour vendre et détruire la Dreamcast. Débandade totale au niveau Sega. Ils l'ont refait avec la PS4, que, le Blu-ray. En ultimement, je pense que le problème qu'il y a eu avec Sega, c'était le cash. C'est que ils ont jamais... Ils ont tout injecté au launch. Ils ont fait vraiment... Tout le budget marketing est passé. Ouais. Mais Sony, eux, ce budget marketing-là, pour eux, c'était comme... C'était des peanuts. C'était genre... Bon, nous, on a toute une autre division en arrière et on est prêt à comme mettre le double s'il faut. Mais aussi, je me demandais, Dreamcast, le hacking, les a pas on a beaucoup parlé de ça. Parce que quand même, c'était facile de copier des jeux. On va en parler de ça. En fait, ça, c'est une des affaires à un moment donné. Mais déjà, qu'ils bougeaient pas d'unité, en fait, parce qu'à un moment donné, les gens attendaient avant d'acheter les unités eux-mêmes. Ouais. Ils n'en bougeaient pas assez par rapport à ce qu'ils voulaient parce qu'ils les vendaient très, très peu cher, fait qu'il y avait très peu de marge de profit. Ben, ce qu'on a parlé tantôt de Windows CE, facilitait le développement, puis il y avait quelque chose là-dedans qui permettait de, si tu mettais un CD normal, ça allait te dire genre, hey, vous jouez un CD normal, nanana. Il y avait un programme là-dedans qui te disait, qui handlait un CD normal. Et à partir du moment où il y avait Windows CE, il y avait ça, il y a des hackers, tout le monde connaît Utopia, les tabarnouches qui ont fait le fameux boot disk de Dreamcast. Ouais. Et à partir du moment où ils ont fait ça, tous les jeux ont commencé à être rippés. Et le fameux GD-ROM qui tenait quand même un gig, ben les gens ont commencé à trouver des façons de brûler sur un CD si t'avais un Nero, mettons, ou Fire Burn, ou Alcohol, 110%. Ils ont trouvé des façons d'essayer de faire un disque semblable. Et même à un moment donné, il arrivait où le boot disk avant, il fallait que tu fasses un swap, était devenu intégré dans un jeu. Tu downloadais un ISO, ouais, c'est ça, tu brûlais ça, puis c'était comme mêlé là-dedans. T'sais. Ah ouais. Hein. Non, ouais. Mais il y avait quand même beaucoup d'affaires. T'sais. Je pense que parmi les trucs aussi qui n'ont pas aidé la console, c'est que je pense que c'était vraiment une console qui était trop en avance sur son temps. Ouais. Microsoft, je me suis mêlé Microsoft. C'est drôle parce que c'est un peu à cause de eux que la Xbox existe. Ouais. Mais tu sais, eux, quand ils voyaient ça comme un compétiteur à PlayStation, leur gros key feature pour eux, c'était « Hey, on va mettre un modem là-dedans. T'sais, on va faire des jeux en ligne, ouais, ouais. Des trucs comme ça. » Puis ça, tu sais, à ce moment-là, le user base, il n'y avait même pas 50% de leur user base qui avait Internet chez eux par téléphone. Ouais, c'est ça. Pis là, tu essaies de vendre un peu quelque chose qui finalement qui est devenu la norme après sur la génération justement Xbox, ouais. Xbox 360 et tout. Puis... côté jeu aussi, mais ben juste pour le modem, ouais. En Amérique du Nord, c'est un 56. Ouais, tu peux avoir un LAN aussi. Malade, là, tu sais. Puis plusieurs jeux supportaient, incluant Phantasy Star Online, qui est comme un classique incroyable. Chuchu Rocket, c'était fou en ligne. C'est des jeux qui étaient en avance sur leur temps. Ouais. On dirait qu'ils n'avaient comme pas compris c'était quoi la console. Tu sais, si tu regardes la Dreamcast, il y a tellement un tapon de genre varié là-dedans que c'était comme vraiment, on dirait, la première console 3D next-gen. Tu sais, le PlayStation, Nintendo 64, c'était encore très exploratoire. On essayait de trouver comment transposer ces jeux-là en 3D. Puis là, t'avais vraiment la première console où est-ce que t'avais toute la puissance qui était disponible pour faire vraiment concrétiser cette vision-là que t'avais. Ouais. Mais les gens, ils vous diraient qu'ils savaient pas trop c'était quoi. Là, c'était comme un mi-chemin entre du PC, de l'arcade, des jeux. Ouais. C'était vraiment assez spécial. Puis tu sais, je pense que l'autre affaire qu'ils ont vraiment tué, c'était... EA. Electronic Arts. Tout à fait. Ils n'ont pas abandonné le navire. Eux autres, Electronic Arts, ce qu'il faut dire, là, c'est à l'époque, c'était vraiment une compagnie qui méritait le nom de Arts. Tu sais, sur Sega Genesis, c'était pas juste du sport. Ils faisaient vraiment des titres étranges. Tu sais, c'était vraiment comme à l'époque, quasiment des indie developers. Ouais. Là, tu sais, c'était vraiment des jeux qui étaient très originaux. Puis ils ont toujours supporté Sega et tout. Puis quand est arrivé le temps de signer pour Dreamcast, ben, Sega avait déjà leur plan de leur côté. Tu sais, les jeux de sport, ça te vendait toujours bien sur Sega. Fait qu'eux, ils ont développé leur propre division qui était Visual Concepts. Ouais, qui ont fait ils ont acheté le studio, je pense. C'est ça, 200 ils ont acheté millions, le studio. Puis genre, ouais, c'est... 20 millions, peut-être. Non, 10 millions. 10? Non, j'ai relu tantôt l'article. Okay. Puis tu sais, c'était Visual Concepts qui a développé NFL 2K, Baseball, machin 2K et tout. Fait que là, tu sais, ces gars, ils étaient comme, ben si vous voulez venir chez nous, c'est parfait. Mais tu sais, là maintenant, votre licensing va coûter plus cher. Puis tu sais, EA a toujours été comme ceux qu'ils ont backé. Puis là, tout d'un coup, ils se font comme un peu trahir. Fait qu'ils ont juste fait comme, ben, OK, ben non. T'sais, ils n'ont jamais été capables de s'entendre. Ben en fait, ils voulaient l'exclusivité des jeux de sport. C'est ça. Puis EA, je comprends pourquoi le voulait. Et ben, ces gars disaient, ben là, je viens d'investir d'une division pour les développer. Il faut que j'en produise. Ouais. Puis le Walk Away Point, t'as raison. Ça les a tués parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de support de third party, spécialement nord-américain. Tu sais, t'as eu un petit peu du Blitz puis tout ce que tu dis ça, mais ouais, EA était pas là. Il y avait juste des backers japonais. Ubisoft, t'étais quand même des compagnies assez fortes sur Dreamcast. Ouais, mais je suis d'accord que pas d'Electronic Card. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu spécial comme, tu sais, l'ambiance qu'il y avait, tu sais, pour les développeurs là-dessus. Puis bon, évidemment, ben c'est ça, tu sais, quand Sony est arrivé, c'était comme, ben bien, tout le monde est venu. Ben oui, tout le monde, venez, on est là, ouais. Avec le Emotion Engine et tout. Mais c'était quand même une console que moi j'ai toujours apprécié, mais j'en ai pas possédé avant, assez dernièrement. Ouais, ouais, ben moi avec, j'y ai joué un petit peu, des jeux de combat. Des années cégep, dans l'année que les petites filles cégep, étaient boissons, c'est ça, combat, puis c'était temps-là. Pas mal ça. Là, puis aujourd'hui, j'essaie d'avoir une collection Dreamcast, puis je peux même pas penser à 10 jeux que je veux. Ouais. Ben, y en a tellement. Moi, j'aimais bons, les mini-jeux aussi qu'il y avait sur la manette. Je trouvais ça cool quand même. Ça, c'était ça révolutionnaire. Le VLU. Ouais. Ça, c'était sweet, ça. C'est le Tamagotchi, le petit jeu de Sonic qu'il y avait, c'était cool aussi. Ah, ouais. T'sais. Moi, j'ai encore joué beaucoup fois, à Space Channel 5. Il faut que tu expliques aux gens c'est quoi le VMU, parce que nous, on le sait. Oui, c'est ça. Le VMU, en fait, c'était comme dans la manette de la Dreamcast. Tu avais comme une espèce de petit de petite boîte que tu pouvais sortir de la manette. Puis ça te permettait, dans le fond, c'était comme un deuxième écran. Puis des fois, mettons, tu jouais à un jeu de football, tu avais ton field sur ce petit écran-là qui te permettait. C'est un écran de LCD. Montre, c'est ça, c'est comme un LCD. Écran LCD. Ben, ça ressemblait à un écran de Game Boy, en fait. Un vieux Game Boy. C'était des petits carrés. C'était du quartz, en fait, j'imagine. Puis il y avait quelques boutons là-dessus. Fait que ça pouvait être comme un mini Game Boy, une mini console portable. Quand le truc est dans ta manette, puis tu bootes le jeu, ben, il va apparaître une petite icône dans l'écran qui a rapport avec le jeu. Tout à fait. Exact. Puis c'est l'unité de sauvegarde en plus. Ouais, c'est ça. C'est malade. Fait que tu peux l'amener dans le boss, continuer à grinder certaines games. Je suis vraiment surpris, moi, qu'il puis... que ce concept-là n'ait pas suivi pour quelques compagnies. T'sais. Parce que je voyais Microsoft dans leur concept art qu'il y avait pour la manette du Xbox qu'ils développaient. C'était vraiment un rip-off total de la manette de Dreamcast. Et il y avait des VMU aussi. C'est rare, ça. Parce que pour eux, c'était comme, c'est de l'avenir et tout. Ben oui. Mais tu sais, comme je dis, je pense que comme bien des technologies qui se sont retrouvées dans la Dreamcast, il y a bien ces affaires-là que... Avec le temps, les gens se sont rendus compte que non, c'est vraiment inutile. Ouais. C'est de l'argent gaspillé, ça sert à rien. Tu sais, comme des claviers. Il y avait un clavier puis une souris, mais tu sais, à ce moment, il n'y a plus une console qui se dit. Même la GameCube, il y avait Typing of the Dead, qui est un des meilleurs jeux de tous les temps. Sténographie. Pour apprendre à taper, tu vois. La sténographie. T'as pas le mot, tu te fais bouffer par un zombie. Tu sais, il y a peu de motivation plus grande. On était loin de tape-touche, en tout cas. Oui, c'est ça. Pas mal plus cool. Tout à fait. Mais tu sais, il y avait en plus une canne à pêche. Sega Bass Fishing, qui était un produit officiel, Sega. Il y avait des bons guns. Il y avait du bon stuff. Matt Cannes, faisait des beaux guns là-dessus. Ouais. Mais tu sais, les jeux étaient là. Il n'y en a pas des millions. Ben, je sais qu'il y en a plus que ce que moi je désire, qui sont hot. Là, mais la librairie n'est pas grande. Non, tu as raison, parce que ça n'a pas été si... Ça n'a pas duré longtemps. Pas si longtemps que ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment une console, comme je dis, qui... Moi, quand je regarde la librairie, c'est vraiment une librairie, on dirait, qui sait pas encore c'est quoi, qu'est-ce qui allait devenir le gaming. Là, je dis, ça a comme le cul entre trois chaises, entre l'arcade, entre le PC, puis entre ce que ça devrait être des jeux de console AAA. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est un beau fouillis. T'sais, tu regardes ça, puis il y a tellement de tout là-dessus que tu as des jeux vraiment old school d'arcade. On dirait que c'est un experiment, cette affaire. Ouais, mais c'était comme une expérience. Ils faisaient comme, bon, mais on va essayer de quoi, on va essayer de quoi de différent. Mais tu sais, t'as des classiques comme t'as Resident Evil Code Veronica, un excellent Resident Evil. Tu sais, t'as Shenmue, un espèce de classique weird, real life MMORPG. Seaman, ça, tu peux même pas jouer à ça en prenant de la bière. Mais Choo-Choo Rocket, qui est un petit jeu de puzzle, de bâton, tu peux jouer à 4. Il y avait aussi 4 parts sur cette manette-là qu'on n'a pas encore dit. Ça, là, c'est le jeu. Ouais. Tu vas te battre à Choo-Choo Rocket. Tu vas battre tes amis. Ça, ça se résout c'est un tellement wake, agressif. Mais on l'avait amené une fois. Puis, et les jeux de combat qui sont malades parce que, je vais juste le dire une seconde, il y avait le même hardware qui était Naomi. Qui était genre plus de mémoire, un petit peu plus de graphique, etc. Mais c'était le même hardware. Fait que là, tous les jeux de combat japonais. Marvel Capcom 2, c'est l'Ultimate Edition. Capcom vs. SNK, t'avais Dead or Alive. Ça roulait déjà sur Naomi. T'as juste, on va faire un port. On va couper un peu les textures, puis ça rentre. T'sais. Fait que là, t'as eu plein de beaux jeux d'arcade. Fait que ça a été très, très arcade, cette console-là, puis Jet Grind Radio, Jet Set Radio, tout dépendant quelle version. Ils mettaient le focus sur ça, sur le côté arcade, parce que la division arcade de Sega allait bien, mais ils n'ont jamais vu venir que, à un moment donné, les consoles vont être plus fortes que les arcades, fait que le monde va arrêter d'y aller aux arcades. Mais ça, c'était intéressant. Ça les a mordus. Crazy Taxi, à l'époque, l'arcade était encore... L'arcade existait encore, Moi, je me rappelle, mais... Ça me faisait plaisir d'aller jouer à Soul Calibur puis de rejouer chez nous. Je me pratiquais, je retournais jouer. C'était comme pour la même raison que Tekken 3 sur PlayStation 1 était quand même quelque chose d'intéressant. Il y avait ce lien-là, tout était là. C'est vraiment une console que, selon moi, était parfaite au niveau de ce qu'elle offrait. La manette était bien, le design était slick, les jeux étaient bons. Moi, je trouve qu'elle était trop grosse, cette console. Moi, je la trouvais... C'est pas gros, là. C'est gros de même. C'est comme l'évolution exacte de la manette ronde de Saturn. Ouais c'est ça. Mais juste avec 2-3, comme... Ouais. Mais pareil. D'un côté de l'autre, là, t'es tiens, c'est la même affaire. C'est vraiment drôle. Mais tu sais, pour moi, elle était parfaite. Puis le pay timing du monde. Ouais. Si elle avait sorti un peu plus tôt... admettons que l'aventure Saturn n'aurait pas eu lieu puis que c'est ça qui avait sorti, peut-être que Sega fera encore du hardware aujourd'hui. Je sais que les retailers avaient beaucoup perdu confiance en Sega avec tous les cossins qu'ils avaient fait pour le Genesis qu'ils n'avaient pas vendu, la Saturn qui était arrivée un peu à l'arrache en surprise, comme J'ai lu Trop cher, en plus. Ouais, il y a un boss, un CEO, je sais pas quoi, de Sega qui a switché à cette époque-là. Ouais, il s'est fait remercier, en fait. Il était très bon. J'ai oublié son nom. Celui là, mais... qui a pris la place, il a tout le temps, dans sa tête, et depuis longtemps, c'était connu, il avait l'idée de fermer la division hardware de Sega et devenir un développeur third party. Ouais. Puis il l'a fait, tu sais, quand il est arrivé en poste. C'est la seule là, façon qu'il ferme pas, c'était ça. Non, mais c'est ça. Ben, ils ont bien fait, parce qu'on joue à des jeux de Sega encore. Ah non, là, on n'a même pas parlé de Somebody Amigo. Ben, mais... Vas-y, si tu veux. Non, c'est même un jeu de maracas sur cette console-là, tu sais. Mais pour moi, tu sais, mettons, on wrap up cette console-là qui est... C'est vraiment, malheureusement, une espèce d'anachronisme. Comme Fred le dit, elle était trop à l'avance sur son temps, trop bien. Juste avant la PS2, mauvais timing, belle console. T'sais, aujourd'hui, les titres sont durs à trouver parce qu'il y a eu trop de piratage. Ben, c'est ça, là. Mais ça vaut rien, une Dreamcast à acheter. Là. C'est comme, bon, c'est une quarantaine de dollars. C'est ça, là, c'est pas énorme. Mais là, ce que je vous dirais, c'est... Là, j'essaie rapidement de lancer. C'est quoi les gros jeux à avoir qui valent cher pour les collectionneurs? C'est quoi déjà? Il y a le Power Stone 2. Ah, ouais, Power Stone 2, c'est toujours un hardcore. Sinon, comment que c'est pas Gunbird? Y a-t-il Gunbird? Ben, Gunbird 2. Les shmups, Gigawing 2. Gigawing 2, c'est ça. Gigawing 2. Toutes les shmups, là. Celui de Capcom, là. Voyons, c'est comme avec les Top View. Je vais le trouver. Cannon Spike. Cannon Spike, ça, c'est ouais, ça. Sinon, si tu veux t'équiper pas trop cher, des affaires vraiment must avoir. Shenmue, c'est une quarantaine de dollars. Ça vaut vraiment la peine d'essayer ça. Power Stone à 4, c'est genre dans le même league que Super Smash Bros. Bon, Brawl. Sonic Adventure, les deux sont quand même intéressants à voir parce que c'est vraiment les. C'est vraiment la dernière fois que Sonic est en 3D puis pas pire. T'as les Guilty Gear aussi à acheter, en fait. Ouais, Guilty Gear, c'était un amateur de combat. Sinon, Crazy Taxi aussi. Mais bon, ça se trouve assez bien sur les autres consoles et tout. Mr. Driller. Virtual Fighter. Mr. Driller. C'est tellement bon, Mr. Driller. Non, c'est malade, Mr. Driller. Ouais, ouais. Bref, voilà. Attends, juste un dernier, c'est pour GF. Ikaruga. Mm-hmm. L'original, c'était le jeu. Il est juste japonais, par exemple. Ouais, mais la version, c'est la même que le Naomi d'Arcane. Fait que c'est comme genre, wow, perfect port. Puis moi, j'ai essayé la version GameCube avec le câble component de GameCube, le fameux câble à 300$. Ouais. J'ai comparé avec ma Dreamcast branchée en S-Video. Ouais. Puis c'était pareil. Là, fait que la Dreamcast, je sais pas, elle outputait très bien. Là, En VGA, là, sur un puis moniteur en VGA, ouais, RGB, c'est, ça. Là, c'est magnifique. Ah, moi, chez nous, on dirait vraiment un moniteur d'ordinateur. Tu dis, Colin, que cette console-là était en avance. Elle avait des features que personne n'a utilisées. Exactement. Ouais, c'est bien dommage. Aux grandes dames des collectionneurs. Fait que là, GF. Yes. Fait que allons faire un tour, encore une fois, dans l'univers du VR. On se perd dans le VR. Yes. Et cette semaine, j'en ai su une shot et j'ai mal au bras, moi, vous dire, aujourd'hui, pour ma critique. Parce que je vais vous parler du jeu qui s'appelle Sprint Vector, qui est publié et développé par Survios, disponible sur HTC Vive, Oculus Rift et PS VR. Survios, c'est la compagnie qui est derrière le jeu Raw Data, qui est un gros jeu en VR qui est sorti l'année passée. Mm-hmm. OK. Donc, Sprint Vector, il s'agit d'une course intergalactique de type parkour, là, si je veux dire, parkour en VR. Voyez ça comme un mix entre Mario Kart, Jet Set Radio Future puis Mirror's Edge. Wow, ça a l'air. Là, vous vous dites, OK, comment on peut courir en VR puis aller vite puis se promener? Ouais, ben, eux autres, ils ont développé une technologie qui s'appelle le Fluid Locomotion. Donc, ce que ça permet de faire, ça permet de se sprinter, de sauter, de planer, de faire du drift. Dans le fond, on va se promener avec nos mains. On va aller faire un mouvement comme de patin un peu avec nos bras. Donc, gauche-droite, comme on voit à l'écran en ce moment. Un peu comme dans le jeu Vindicta, que j'avais déjà parlé. Ouais. Par contre, il y a une particularité, c'est que là, il faut peser sur le trigger d'un côté quand on arrive à la hauteur de nos yeux, descendre notre bras jusqu'à notre hanche, puis à notre hanche, c'est là qu'on va lâcher le trigger. Fait que c'est comme si on tirait sur une corde invisible, dans le fond, pour se propulser devant nous. Ça marche numéro un, là. J'ai eu aucun motion sickness là-dedans, puis c'est vraiment efficace. Puis eux autres, ils vont prendre en compte un peu l'amplitude de tes mouvements. Fait que c'est pas nécessaire d'aller hyper vite pour aller vite dans le jeu. Faut juste que tes mouvements soient fluides et bien faits. Par contre, ça demande énormément de cardio jouer à ça, puis de stamina, là. C'est dur. C'est des courses qui vont durer entre 2 et 3 minutes environ. C'est vraiment fantastique. Fait que c'est un genre de Just Dance de feu pour perdre du poids, finalement. C'est beaucoup, beaucoup plus que Just Dance, moi. Just Run. Just Run, ouais, exactement. Ah, mais il y a mille choses à faire. Ça, là, moi, ben. Ouais, ben, je vais parler des level design après, là, mais dans le fond, dans le jeu, il y a trois niveaux de tutoriel. Seulement le premier est obligatoire. C'est une petite critique à eux autres. Vous devriez mettre les trois tutoriels obligatoires parce que le premier, t'apprends juste à courir. Puis tu peux rien faire quand tu fais juste courir. Là, on va me voir jouer à l'écran bientôt. Là. Vous allez voir comment on a l'air, brillant. Et puis que... D'ailleurs, un petit upgrade cette semaine. J'ai un green screen maintenant pour faire les démos de VR. Wow, merde! C'est pas bien, hein? Fait que là, vous voyez... Comment là, t'as fait ça? Ben, j'ai mis un green screen puis je me suis filmé, là. OK. Je savais pas qu'il y avait un green screen. Ouais, j'ai un dans mon garde-robe. Fait que vous voyez le mouvement que je fais en ce moment, c'est la manière qu'il faut faire pour aller quand même rapidement. Donc, on va sauter, on va pouvoir voler comme Superman, on peut mettre les breaks, on peut drifter. C'est vraiment fou. Il y a plein de power-ups sur la piste, dans le fond, quand on avance. C'est des courses à 8. Les power-ups, t'en as 2 qui vont t'aider à aller plus rapidement. T'en as 7 qui vont... pas 6 qui vont t'aider à attaquer les autres personnes. Toujours être bien consciencieux d'où ce qu'on garoche les power-ups parce que tu peux faire exploser d'autres choses qui vont te nuire. Fait que ça va vite. C'est comme être de Flash, tu sais. C'est le ça. Feeling qu'on a. Wow. Parlons maintenant du look du jeu. C'est vraiment beau, là. Il y a des couleurs vives là-dedans. C'est comme dans un univers intergalactique que c'est une compétition que c'est... Le gars s'appelle Mr. Entertainment puis d'aller chercher les meilleurs gliders de la galaxie pour venir compétitionner, en fait, dans le jeu. Fait que c'est super beau. C'est superbe. Il y a une profondeur que j'avais jamais vue à date en VR de ce jeu-là. Plus t'avances, plus tu maîtrises tes skills, plus tu vas devenir bon. Plus tu vas comprendre comment jouer, plus tu vas voir que ben, les pistes, là, il y a comme 80 places que tu peux passer, puis des shortcuts. Là, on en voit une autre piste ici. On voit qu'on peut sauter partout ces murs, un peu à la Mirror's Edge, là, vraiment entre les toits. Des fois, il faut se pencher pour éviter des affaires. C'est hyper physique. Ça marche, là. C'est incroyable. C'est vraiment hot. Hey, t'aurais dû te mettre une fan d'en face pour sentir le vent dans tes cheveux. Ben, j'aurais pu, parce qu'à la fin de ce stream-là, j'étais complètement en sueur. Il fallait que j'aille laver mes jeans, justement, que je suis. Chose qu'il ne fait jamais, laver ses jeans. Non, c'est une fois par année seulement à Noël. Juste le mardi. Le level design, c'est la grosse, grosse force du jeu. Ils ont réussi quelque chose d'incroyable. Là. N'importe où ce que tu passes, tu as des shortcuts partout, partout, puis tu reviens tout le temps dans la course. Fait qu'il y a vraiment énormément d'options dans ce jeu-là. Faut que je parle de la progression aussi. C'est pas un jeu qui... Regardez ça, c'était level 2 avant que j'en parle. Ah, c'est beau. Là. Hein? Il y a des blocs. Là tu vas vite à toute vitesse, puis tu as des blocs qui t'arrivent d'en face, à gauche-droite, qui vont te rentrer dans les murs. Fait qu'il faut que tu sois rapide, vigilant, puis... Faut que tu aies le cardio nécessaire pour t'arriver jusqu'à la fin de la course. Ouais. Là, tu parles d'un vrai... C'est un e-sport que tu travailles pour vrai, là, physiquement. Là, ben, moi, je considère que c'est un... Ben, encore une fois, c'est un sport seulement possible en VR, mais encore plus que l'était l'autre jeu que j'ai parlé l'autre fois, qui est Spark, là. Parce que Spark, c'est un genre de jeu de ballon. Tu peux jamais faire ça dans la vraie vie, là. Promener dans une place, il y a des gros stalactites qui tombent dessus, puis... Ben, peut-être, là. Pointe Saint-Charles. Fait que la progression est quand même assez importante là-dedans. C'est pas un jeu qui est pick and play, donc ça va prendre une couple de shots quand même avant de réussir à arriver à quelque chose de quand même bien. Comme je disais, il y a 12 pistes qui se jouent online et offline. Ça joue jusqu'à 8 personnes online. Ça va super bien d'ailleurs online. Il n'y a pas de lag. Le monde peut se faire des signes d'inspiration avant de commencer la course. Fait que c'est vraiment le fun. Wow. Ils ont même sorti, mais en fait il y a 12 challenges, fait que c'est des tableaux fermés que tu feras pas de compétition contre d'autres mondes. C'est juste pour pratiquer un peu tes skills puis vraiment t'améliorer avec les contrôles. Ils ont sorti cette semaine des weekly challenges, donc ils vont donner des temps à battre, puis il faut falloir que tu battes certains temps, tu peux te filmer puis leur envoyer ton résultat, puis tu peux gagner la chance d'aller participer à un vrai tournoi de Sprint Vector. Je sais pas si ça va se faire vraiment un jour. De vrai, avec des lasers et tout du monde. Tu peux mourir comme dans le jeu, que si tu réussis pas, c'est toi qui meurs. C'est le mais là, c'est Jeff, running man. Mais là, Jeff, rassure-moi, parce que là, je te regarde jouer à l'écran. Ouais. Pour ceux qui sont en podcast, on est désolé. Mais là, je te regarde aller, mais es-tu bon? Je suis quand même très bon, pour vrai. Là. Moi, puis j'ai joué beaucoup avec Matt Bonin de Divan Quest, puis on est quand même pas pire. J'ai vu du monde speedrunner en fou, puis là, genre, encore une fois, je comprends pas, là, c'est des speedrunners qui vont y aller au pixel près, faut que tu saches vraiment où passer. Là, ça, le tableau qu'on voit en ce moment, il est très, très difficile, là, parce que tu peux mourir à tout moment là-dedans. Mais je suis quand même, pour vrai, j'ai mis quasiment 10 heures dans le jeu à date en 2 semaines. Je veux tout le temps aller jouer. Ce jeu-là est cardio, c'est viscéral. Je sais pas pourquoi, mais ça vient te chercher en dedans. C'est un jeu je parfait qui tu finis à quoi? Tu fais, hey, juste une autre titre. Juste une autre titre. Ah non, mais j'en tout, moi, j'ai le goût de péter un infarctus là-dessus. Là. T'en veux tout le temps en plus, puis tu finis de là, puis t'as les cheveux dans les airs, puis la sueur dans la face. Il y a même du monde qui a commencé à speedrunner, fait qu'il y a un très beau potentiel qui s'en vient pour ce jeu-là. Je sais pas s'ils vont finir par sortir d'autres tableaux, mais la quantité qui est là est quand même bonne. Là, parce qu'il faut qu'ils apprennent quand même un peu tableau en les jouant pour trouver les shortcuts. Là, Clément Bisson, viscéral. Viscéral. Mais là, je veux pas fucker. Tu vas avoir des infarctus. Le vrai. Je veux pas te fucker dans ton pacing des critiques, mais là, ça m'a l'air d'être le premier jeu VR que tu nous parles qui a comme ben du depth. Ben, en tout cas, du moins en termes de quantité d'heures de jeu. C'est assez. Combien ça coûte, ça? Comment ça coûte? Je pense que ce jeu-là vaut entre 20 et 30 $ pas plus. Ah, l'as-tu volé? Non, je l'ai eu. On l'a eu. On a eu un beau code. Ouais, on a eu un code de la part du dev. On a-tu des codes de VR souvent? Oh, oui, oui. Ah. Les développeurs suivent les aventures de GF. Si je peux, très cool. Si je peux me permettre, moi, je peux recevoir un casque. J'ai besoin de perdre du poids un petit peu. Là. J'imagine que ça, ce sera un bon exercice. Hein? Ah, nous autres, même, les gros je serais à endosser ça tel un Jared de Subway. Attention, hein, tu sais ce qui est arrivé à Jared de Subway? Ouais, non, je dis pas que moi, je touche. Je garde mes mains dans mes poches quand je passe devant les parcs. Merci. Mais totalement, parce que moi, j'ai joué avec ma Fitbit. J'ai pas parti d'exercice avec ma Fitbit. Avec ma Fitbit, puis ma Fitbit détectait une demi-heure de cardio workout. Simonac. C'est à peu près 215 calories par 30 minutes que ça demande quand tu joues à ça, parce que le mouvement est continu, fait que ça arrête jamais. Là. T'es tout le temps demandant. Là, puis, c'est vraiment, écoutez, c'est un jeu fantastique. C'est disponible partout, sur PSVR aussi, fait que ça marche pas bien. T'as pas à te promener dans l'environnement, tu vas juste te tourner en 180 degrés. Ta silhouette t'en remercie. Exactement. Hey, si, j'ai c'est fantastique, c'est merveilleux ce jeu-là. Et pour toutes ces raisons, je lui donne la note de 10 sur 20. Oh my God! Bravo! On vient d'atteindre quelque chose en VR. Mesdames et messieurs, on n'aime plus rien. Un 10 dans le VR? Je ne pensais pas un jour donner un 10 dans le VR. On s'est retrouvé dans le VR. J'ai essayé de trouver n'est plus perdu. Quelque chose à dire de mauvais, puis à part que ça demande du cardio de jouer puis que c'est demandant. C'est pas mauvais, ça. Mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. Fait que le jeu, comme ils disent, le fluid locomotion, ça marche numéro un. Pas une fois j'ai eu un motion sickness. Je suis pas tombé à terre, j'ai pas cassé de lumière, il s'est rien passé, puis ça va super impressionnant. Puis vous parliez des calories, vous êtes en vacances la semaine prochaine, là. Pas moi, puis ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est que je vais prendre 5 jours la semaine prochaine, du lundi au vendredi, et je vais tester un jeu par jour en VR, 30 minutes avec ma Fitbit, puis on va voir quel jeu va dépenser le plus de calories. Et mon test, c'est de savoir, est-ce qu'on peut s'entraîner en VR pour vraiment, est-ce qu'on peut perdre du poids ou on peut se mettre en forme? On peut-tu te mesurer la bedaine là? Ouais. Dans 6 mois, on mesure la bedaine. Vous pourrez. Les jeux que je vais essayer, notre ruban à mesurer. Les jeux seront Sandboxing, Hollow Point, Knockout League, Sprint Vector et Thrill of the Fight. Donc, surveillez, pas du casque obligatoire, je posterai mon horaire la semaine prochaine. Je vais suer en short pour vous dans le bureau. Malade. Ouais, sortira tes juste Bermudas pour les shorts, tout le temps. Sortira juste pour toi, Dan. C'est beau, Bermuda. Voilà, c'était le VR pour la semaine. Excellent. Fantastique. On s'en va sur une pause, puis après ça, il y a plein d'affaires. Ouais. On vient après la pause. À quel ton entrée, Bruno? Hey, croyez-nous. Pour ne rien manquer de Rétro Nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube, via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. Fait que c'est ça, moi j'avais commandé une Game Boy que je voulais qu'il soit modifié en fait, parce que moi j'aime énormément le Game Boy. Je l'ai tatoué sur le bras, puis j'arrive jamais à me... attends, moi j'ai une caméra, Bruno. T'sais, Bruno, il est pas assez flexible pour montrer son tatou. Laisse-moi voir la table. Ah, on a vu un bout. Il est là. Rétro fitness. Il est là. Je suis comme mal placé pour le montrer. Rétro nouveau kilo. Ben, il est là, là, sur mon rétro bras. Rétro nouveau là. Kilo. Yoga. Fait que, en tout cas, j'ai un Game Boy sur le bras, puis c'est parce que le Game Boy, c'est vraiment ma meilleure console ever. C'est la console qui a fait que je tripe ces jeux vidéo. Fait que là, je voulais un Game Boy Color pour jouer à mes jeux préférés de Game Boy, mais le Game Boy Color n'est pas rétro éclairé. Puis là, j'essayais de jouer. Puis c'est tough en sacrament jouer sur une, sur une Game Boy, parce que t'es tout le temps obligé d'être en arrière d'une lumière. C'est un lampadaire. Ah non, c'est ça. De nos jours, c'est intolérable. C'est intolérable. Ou même jouer avec une lampe frontale, tu sais. Ah ouais. Ou les lampes frontales, c'est pas une idée, ça. Mais même la Game Boy Advance première génération, c'est pas jouable. Non, c'est pas jouable. C'est, jouable. C'est vraiment tough, puis c'est inacceptable. Fait que là, moi, en fait, je parlais au King Vincent Laniel, King de Saint-Eustache. Cette seigneurie. Qui arrêtait pas de me dire, Bruno, sacrifice et arrête. Là, faut vraiment, vraiment, vraiment que tu te fasses rétro-éclairer un Game Boy. C'est de même qu'il faut que ça se fasse. Je suis genre, je sais bien. Fait que là, finalement, il m'a donné le nom de Retro-Modding. Retro-Modding est une petite entreprise artisanale de Montréal. Vous pouvez aller au retromodding.com ou tout simplement aller sur leur page Facebook Retro-Modding. Et puis, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils modifient des consoles. Donc, ils modifient des consoles pour qu'on arrive à y jouer dans le noir, justement. Donc, ils peuvent améliorer... Les vrais besoins. Donc, pouvoir jouer dans le noir, mais aussi pouvoir améliorer le son aussi de la console. Ils ont plusieurs choses qu'ils peuvent faire. Puis, ils peuvent... Ce qui est intéressant, c'est que la console, ils peuvent partir from scratch. Puis, tu peux dire, admettons, moi, je veux que les pitons soient mauves. Puis, je veux que ma console soit grise ou ce genre d'affaires-là. Ce qui est très intéressant. Fait que là, dans le fond, toi, tu commandes ton Game Boy, puis il arrive par la poste. Et puis, ça donne un résultat fort sympathique. Non, approche-les, ouais, qu'on voit l'écran. Ouais. Ça marche-tu? Voilà. Ben, ça marche, cette affaire-là. Ouais. Setup de pauvre. Fait que, ouais, setup de pauvre. Filmer des fait que écrans. C'est ça, c'est rétro-éclairé, c'est fait de façon artisanale. Fait que là, ici, là, on voit là, qu'en arrière, il n'y a plus les vis. Ça, c'est collé, là. C'est collé, puis aussi la personne qui travaille là-dessus doit chimer, doit un peu râper ça sur le bord pour arriver à faire rentrer l'écran qui est lumineux. Donc c'est ça, la lumière aussi, elle dépasse sur les côtés, puis même en arrière sur la cassette, ça va sortir. T'sais. Ben, on doit mentionner que c'est pas un shell authentique, c'est un shell... C'est comme une reproduction, ça vient de la place, c'est quoi dans le nom? Alibaba. Là? Alibaba, ouais, exact, merci les gars. AliExpress en fait. AliExpress, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas exactement la même affaire, mais sérieusement, si t'en mets deux côte à côte, c'est assez similaire, puis le feel est très bon. Moi, j'aime beaucoup le feel des touches, puis tout ça, ça fonctionne super bien. Il y a des choses qui ont changé, évidemment. La lumière de power est très, très forte, dépendant du signal de ta batterie. Fait que si ta batterie est moins forte, la lumière de power est moins forte. Puis en arrière aussi, évidemment, bon, il y a des changements. Vu que c'est pas un vrai, ici, t'as pas le collant de Nintendo de dire d'appeler pour le hotline si t'as des problèmes avec ta console. Fait que tu peux pas appeler. Tu peux pas appeler. C'est d'appeler Retro-Modding. Ouais. Ici, la petite affaire pour mettre par-dessus tes batteries, le couvre-batterie n'est pas de la même grandeur. Donc, tu ne pourras pas l'insérer pour faire semblant que c'est une vraie Game Boy. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais sinon, je suis quand même vraiment très satisfait du service que j'ai eu. Ça m'a coûté environ 300$. Donc, c'est quand même... Canadien. Ouais, canadien. Fait que c'est un pensée bien quand même. T'as obtenu la console ou tout 300$, tout inclus, ou t'as choupé Non, j'ai tout, là. OK. 300$. Tu lui as rien fourni. Non, c'est ça. Parce que si je fournissais un Game Boy, en fait, je sauvais environ 20$. Puis, pour lui, c'était beaucoup plus difficile parce qu'en fait... Ça fait pas l'écran. Ouais, puis il peut scraper mon Game Boy, puis là, il va peut-être être... un peu magané ses bords tout ça. Puis il dit, tant qu'à ça, j'aime bien mieux avoir un autre casing, pouvoir le scraper, puis au pire, recommencer tout de suite après. T'sais. Puis j'étais bien d'accord avec ça. Je me disais, bon, ben, c'est correct. Ça va bien fonctionner. Puis le résultat est très bon. C'est sûr que c'est ça. Comme c'est artisanal, c'est vraiment une personne qui fait ça à la main. Comme là, ici, dans l'écran... J'ai vraiment une légère courbe dans le bas qu'on peut pas vraiment voir si bien que ça. Allez, gars. Veux-tu que c'est bon en audio, ça. C'est vraiment pas évident de montrer ça à l'écran, mais c'est vraiment des petits détails. Là, tu vois dans le coin en haut que... On voit la barre blanche en bas qui est plus grosse d'un côté que de l'autre. C'est ça, exact. Fait que ben, c'est un passe-partout fait en tape. Ouais. C'est ça que c'est. C'est ça. Fait qu'il est comme collé pas tout à fait droit. Fait que tu sais, il y a peut-être ça, moi, que je regrette un peu, mais sinon, malheureusement, il y a ça, mais tu sais, ça m'a pas empêché de rien. La console fonctionne à merveille. C'est super beau. L'écran est très, très, très, très clair. Tellement clair, en fait, que je peux pas jouer à ça dans ma chambre la nuit à côté de ma blonde parce que ça réveille ma blonde. Mais parce tu peux aller très aux toilettes la nuit et t'éclairer facilement avec ça. Ah, ça fait exactement. De flashlight. Ouais, c'est ça. En câble. Ça fait office de flashlight. Fait que. Mais y a-t-il amélioré le son aussi dessus ou ça, le son est resté de base. C'est okay. Vraiment exactement le même son. Fait que moi, je joue avec des écouteurs parce que le son est pas incroyable de base sur une Game Boy Color. Mais j'aurais pu demander qui améliore le son. Même que je pense qu'il y a aussi un système pour pouvoir jouer des MP3 à l'intérieur de ta Dolby machine. Dolby 5.1 aussi. Mais c'est ça, toutes les options sont là. Mais je vous recommande fortement le service. Moi, je suis très satisfait de ma console. Puis là, j'ai comme la console ultime. Je pense pas changer ou en avoir d'autres à partir de maintenant, à moins de l'échapper à la terre solide. Ce que Retromodding, son plus gros produit, en fait, c'est les Game Boy Advance. Oui, exact. Lui, il prend le premier modèle, puis là, il pimpe comme faut. Mais aussi, surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'en vendent pas tant des consoles. Ils essayent plus de pousser les pièces, puis do it yourself, tu sais. C'est ce qu'il y avait beaucoup à faire sur leur site. Donc, pour avoir une console, il faut vraiment que tu communiques directement avec eux autres. Exactement. Tu les fasses travailler un peu. Là. Ça prend environ 2 mois avant de recevoir ta console. Fait que c'est quand même bon de le savoir. Là. Parce qu'ils ont du gros hype à cause que Metal Jesus a couvert leur produit. Puis eux autres, ils ont envoyé à Metal Jesus la plus grosse des plus grosses Game Boy Advance avec tout dedans. Là. Comme le son, là, il blaste en malade l'écran. C'est l'ultime écran. Dans leur première version aussi, dans le battery pack en arrière, le monde il se plaignait. Ah, je veux plus qu'il y ait de batterie. Ben là, ils ont fait un pack de batterie rechargeable. Ah, ouais. Fait que tu peux juste brancher comme une 3DS puis ça recharge. T'sais, ils ont tout handlé là, les petits problèmes comme ça pour faire une hostie de grosse machine de guerre. Mais qui coûte le même prix qu'une Switch. C'est ça. Si tu veux ça, t'as plus jamais t'as besoin là, de te stresser sur un Game Boy Advance. Faire parce que tu peux aussi y aller avec puis juste pour être clair, là, c'est tout du hardware original. Il n'y a pas d'émulation là-dedans. Non, c'est vraiment ça. On remplace l'écran par un meilleur écran, le son par un meilleur son. Mais ça reste le hardware, donc 100% compatible. Si tu vas voir le prix des pièces puis tout ça à l'extérieur de Retromodding, c'est ça. Si tu te rends compte que les prix sont là, c'est quand même des bons prix. Alors, tu ne peux pas commencer à souder les enfants. Ouais, si t'es pas habile, tu fais pas ça. Là. Exact, c'est ça qu'on me disait sur les boards. Comme, fais-les toi-même. Je suis pas capable de faire ça. J'ai pas le goût de faire ça. Je veux payer pour qu'on me crisse la paix. Ouais, exact. Je veux acheter des produits. Parce que oui, tu peux le faire, tu peux tout faire toi-même là. Fait que c'est ça, tu peux monter une maison toi-même si tu veux de même matin avec un marteau, va man. Fais-toi-en un. Ben ouais, pas capable. Fait que c'est ça. Bref, je vous le recommande fortement. Retromodding, allez voir ça sur Facebook. Ils vont pouvoir vous organiser ça, mais pas pour ceux qui ont la bourse serrée. Non, il faut investir. La bourse slack, c'est parfait. La bourse slack. Ceux que ça pend un peu, c'est parfait. Là. Fait que c'est ça sur ça, Dominique, toi t'avais une critique à faire, tu t'en souvenais-tu? Ben j'avais quasiment. Je vais parler ce soir de SteamWorld Dig 2, qui est totalement la suite de SteamWorld Dig, qui est un de mes jeux préférés. Je pense qu'il y avait comme numéro 1 ou numéro 2 dans un de mes tops. T'en avais parlé dans l'année que ça avait sorti. J'avais joué à ça sur ma Vita, moi dans le temps le premier, puis moi j'adorais ça, bien sûr, jouer sur Vita, maintenant qu'elle est morte, maintenant que la Switch me sert de Vita chez nous, puis que tout le monde se garoche sur Switch, je peux laisser tomber Steam, j'ai joué à ça sur ma Switch, dans le plus grand confort de mon divan, et j'étais très heureux. Par contre, j'étais en tabarnak, parce que j'ai acheté le jeu, j'ai téléchargé, 30$ quand même, puis après ça, ils ont annoncé la semaine même qu'elle aura une copie physique. On va en reparler dans l'or gris tantôt. Je vais parler de Switch, mais là, j'étais satisfait. Mais parlons du jeu. Écoute, c'est carrément la suite du premier. Rusty, qui était le petit creuseur là, dans le premier, là, il est comme disparu. Et puis, c'est comme un robot-fille qu'il connaît. Dans le fond, j'ai oublié son nom. On le voit, Rusty, ici. Et puis, elle cherche. Puis, that's it. Puis là, dans le monde où est-ce qu'elle est, qui est pas mal la même affaire que dans le premier. Là, on parle de western très poussiéreux, sale. Et puis, dans le monde où est-ce qu'elle... Fuck, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, dans le monde où est-ce qu'elle est, elle est à la recherche, en fait, de Rusty. C'est ça, excusez. Dans le monde où est-ce qu'elle est... j'étais un peu buzzé, moi, aujourd'hui. Il se passe plein d'affaires. Il y a des tremblements de terre qu'on comprend pas. Il y a comme une genre de secte occulte dans les fins fonds là, dans le trou, dans le creux de la mine, tu sais. C'est bien bizarre ce qui arrive. Fait que là, on se fait un petit ami, une petite flamme bleue qui nous sert de guide un peu, qui est bien téméraire. Et puis, tu fais la même chose que dans le premier. Donc, tu creuses, tu ramasses des roches. Et puis, avec ces roches-là, tu remontes en haut les ventes pour booster ton équipement. Dans ton équipement, tu as ta pioche là, que tu utilises tout le long. Bien sûr, elle peut piocher de plus en plus fort. Tu as quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas dans le premier, un hook shot. Yeah. Super le fun, mal, super cool. Efficace. Tu te promènes avec ça, je clac, clac, clac, clac, clac, tu fais des quadrillés, là, c'est rapide. Là. Ouais, t'as des gros passages où t'as des pics partout, puis il faut absolument que tu sautes, tu hookshot, tu sautes, tu hookshot. Exact. Puis tu peux t'en servir aussi pour pousser des ennemis. Ouais. Fait qu'il y a des ennemis, quand tu leur touches, ils explosent. Fait que là, t'es pousses avec le hookshot, puis ils vont péter dans le mur. Ouais. Là, ça brise une grosse partie du mur, c'est super satisfaisant. Et puis, bon, tu colles sur les murs comme on voit présentement, un peu comme Mega Man X, là, dans le fond. Ça, il l'avait dans le premier. On a un jetpack. Je ne me rappelle plus s'il était dans le premier aussi, OK. On a un drill, comme un marteau-piqueur avec ton poing. Ça, il n'y avait pas ça dans le premier. Ça te sert juste à casser des affaires un petit peu plus raides, là, dans le fond, ce qui n'est pas si trippant que ça. Tu peux lancer des bombes. Ah oui, tu as un système hydraulique là-dedans que tu refill en trouvant des petites nappes d'eau. Ouais. Fait que quand tu embarques dans l'eau, ça remplit ton système d'eau. Fait que là, tu peux recommencer à l'utiliser. Comme dans le premier. Donc, exact. D'où le Steam World. Ouais, c'est ça. Fait que le marteau-piqueur, il marche avec ça. Tu peux lancer des petites bombes style fléchette avec ça, puis utiliser ça à ce niveau-là. Donc, ça, c'est merveilleux. Et puis, c'est un vaste univers qui est en dessous du sol. Et puis, on aurait tendance à penser, en regardant la map, tu te dis, tabarnak, faut-tu que je creuse tout ça? Ouais. Mais il y a des systèmes de téléport qui vont très, très bien pour te... Tu sais, ils te font pas niaiser. Si tu veux pas creuser sans arrêt, t'es pas obligé de le faire. Ouais. Tu pognes les téléportes, puis tu retournes au village, revendre tes roches, tu redescends en bas, tu retournes, tu remontes, tu redescends. Puis on te dit où est-ce qu'il faut aller. T'sais, tu cherches pas ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste de savoir comment tu vas faire pour te rendre là. Exact. C'est ben, ça tu qui peux est cool l'activer dans ce ou le désactiver, ça. Ouais. Le point qui illumine sur la carte qui dit exactement où aller. Mais mettons, il dit va exactement là, mais des fois, c'est comme voyons. C'est juste pas comment te rendre. Ouais, c'est ça. Puis je sais plus où aller. T'sais. Faut que tu upgrades tes affaires aussi. Ça, c'est super important parce que des fois, tu sais pas où aller. Puis souvent, eux autres, ils ont des espèces d'écrous. Fait ça, là, c'est faut, nouveau de faut cette que des écrous. Puis là, tu décides comment tu gères ton inventaire. C'est OK, là, je vais être plus fort, mais je vais être capable de ramener moins de stock à la surface. Puis tu gères tes affaires. Puis c'est. C'est le fun, le système qu'ils ont mis en place. T'as tout le temps du fun à gérer ça, tu sais. Parce que quand tu tires une bombe, faut que t'attires en étant sur place. Ouais. Puis là, tu dis, Chris, si je pouvais sauter puis tirer une bombe. Oui. Ben là, oui, un there's more. Possible. Ouais. Ben là, tes écrous, tes manages, puis tu peux les équiper. Dans le fond, tu les trouves un peu partout. Ça, c'est comme des petites des artefacts. Ouais. Et puis, il y en a, comme là, on en a une centaine c'est dans le jeu. C'est souvent des pièces en retrait, là. C'est comme des. C'est des, ça. T'as un petit challenge, puis là, tu te rends là, tu ouvres un coffre, un écrou, comme. Oh, yeah! Pour pouvoir me payer mon affaire. Puis dans tout ce que tu t'achètes, dans tes upgrades, il y en a. Que ça débloque des upgrades écrouages que tu peux leur mettre des écrous à ces upgrades-là. Il y en a qui coûtent un écrou, il y en a qui coûtent deux, trois puis quatre. Ouais. Fait que puis quatre, c'est comme wow, ok, mettons c'est la prolongation de mon jetpack, là, il t'offre vraiment longtemps. Tout exact. Puis tu peux les équiper puis les déséquiper puis les re-switcher comme tu veux. Fait que l'important, c'est d'en avoir le plus possible. Ouais. Tu peux comme manager ça. Fait que ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. En fait, je me sens comme au Home Depot. Là. Ben, c'est un peu on ça. Parle des écrous. De... Ouais, moi, j'aime pas les affaires compliquées. Puis j'avais la chienne que ce le soit. Non, ça l'est c'est pas. Simple là-dedans. C'est très simple. Ouais. C'est très casual. Mais c'est sûr que ça va être un jeu un peu répétitif. Si tu sais, comme tu creuses, là, c'est ça que tu fais. Tu creuses, creuses, creuses. Tu trouves des nouveaux passages. Tu parles à du monde. Ok, tu vas creuser une autre place. Ok, là, c'est bleu, c'est beau, il y a des plantes au lieu d'être brun. All right. Mais continue de creuser le cadre. Mais creuses, je trouve qu'il faut que tu passes à travers les deux premières heures. Puis après ça, quand l'espèce de monde mystérieux commence à être là, là, je trouve que ça prend complètement une autre dimension. Parce que le premier, c'était ça. C'était creuse, creuse, creuse, ramène des diamants. Creuse, creuse, creuse, ramène des diamants. Il n'y avait pas grand-chose d'impressionnant visuellement où tu sais t'avais pas des boss écœurants comme il y a là-dedans. Exact, t'sais. Exact. Fait que je trouve le deuxième là, il torche tellement beefé, le premier là. Ils l'ont biffé pas mal. Vraiment. Ils ont rajouté, mettons, à la surface un petit bout où est-ce qu'il y a une tempête de sable. Ouais. Mettons, faut que tu te serves de ton crochet puis que tu dashes pour passer au travers pour te rendre à l'autre bout. Ouais. Puis toute la petite histoire aussi est quand même bien ficelée là, avec c'est ça les ténèbres en dessous puis les méchants puis l'Armageddon imminent de tout ça là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un beau package. Et puis, mais moi, je trouve, c'est vraiment fun de creuser. Oui. Juste faire ça, là. Mais il n'y en a pas beaucoup des jeux de dégâts. Les fins de semaine dans sa cour, il creuse. Non, mais mettons, tu fais l'histoire, puis tout. Puis à un moment donné, tu dis, ah, je suis un peu tanné de faire l'histoire. Ah, t'inquiète, il m'a creusé partout. On vient de parler de Mr. Driller, comment on aimait ce jeu. Ben, c'est un peu la même affaire. Dick Dog, tu sais, creuser, c'est bon d'un Ben, c'est comme Dick Dog, mais next level. C'est parce que souvent, tu veux un item. Tu sais, t'es comme, tu regardes ça, puis Chris, si je lis cet item-là, je vais pouvoir m'en aller là-bas. Exact. Fait que là, man, tu grindes au bout, puis le fait de jouer ça à Switch, c'est génial, parce que justement, tu grindes ta TV, après ça, tu pognes ta manette, t'en fais un petit bout avant de te coucher, tu reviens le lendemain, t'es comme, yes, là, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Tu pars à l'aventure, c'est... Moi, je trouve que c'est ça, la Switch, ça a changé le grinding bien raide. Ben, moi, je trouve ça pick up and play. Là, ouais. Parce que tu t'appognes, tu pèses trois boutons, puis tu recommences exactement où est-ce que tu étais. Ça me fait capoter. Là. Ça me rappelle le bon vieux temps de la DS où est-ce que tu fais juste la fermer, clac, terminé, ça se laisse sur pause, puis tu reviens, tu recommences exactement où est-ce que tu étais. Oui, exact. Mais, plus de batterie. Puis c'est ça. Donc, j'ai trouvé le jeu court, on dirait, par exemple. Je l'ai fini. Là, je me suis dit. T'as peut-être pas assez grindé. C'est pas la fin, ça. Parce que la fin. La fin est décevante. Ben, elle est triste. Moi, je suis spoiler. Ouais. La fin est triste. Ouais. Là, je me suis dit, calice, il doit y avoir une fin heureuse à quelque part là-dedans, c'est sûr. Mais je suis allé voir sur Internet, puis on dirait que non. Non. Fait que, mettons, non, si mais fais... moi, je pense qu'il se garde du jus pour le troisième. Ben, de la façon que ça finit, là, ça montre que le troisième, il peut être fucking plus vaste, là, encore, puis aller bien plus loin que dans un western, là. Mais, ben, tu sais, clairement, là, j'ai pas tout fait, là. J'ai fini le jeu à même pas 20%, je pense. Il y en a du stock à trouver, là. OK. Il y en a en tabarnak. Moi, j'avais trois quarts de la map de découverte, tu sais. Ah ouais? Puis, je voulais, des fois, là, moi, ma game, c'était juste comme, OK, je me rends là-bas, puis là, je creusais en hostie de malade. Je faisais aucun objectif, puis c'était le fun. Ben oui, c'est ça. Ben, il y a du replay value, là, au bout, là, pour faire toutes les petites side quests, toutes les petits temples là, que t'as pas faites. Quand tu les finis, ça les coche sur la map. Ah, oh, c'est-tu que c'est le fun? Ouais. S'il y avait eu ça à McKids, ça serait pas du plus de McKids. S'il y avait eu ça au premier référendum, mettre des petits... Ah, oups, j'ai rien dit. Fait que pour toutes ces belles raisons, je vais donner un 8... un 9! Tellement habitué de donner des 8. Des 8. Un grand 9 à cette excellente suite d'un excellent jeu. Et puis là, j'étais en tabarnak, la copie physique de ça soit sortie. Mais j'attends, parce qu'il y a du monde qui ont écrit... Est-ce qu'il va y avoir un copie physique bundle des deux jeux? Ouais, exact, sûrement. Ils ont dit, peut-être. Ouais. Fait que là, c'est des petits farcelins, ça, Imagine Form. Mais moi, je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils ont vraiment le vent dans les voiles à cause de puis, Nintendo. Ils ont fait aussi Steam World Heist, que j'ai jamais joué. Moi non plus, j'ai jamais essayé. Je me dis, à un moment donné, quand tu vas avoir un creux, je vais me pitcher là-dedans. Exact. Mais là, je suis trop proche de Steam World Dig. Fait que je suis comme, regarde, là, j'ai passé au-dessus de 10 heures là-dedans. Ça me tente pas de me remettre dans Steam World. Exact. Ouais, ben je pense que tu viens me créer un besoin, mon dom. Tu sais, je le contemplais, tu sais, j'aimais bien l'ambiance, mais là, tu me convaincs. C'est très toi, beau, en plus, t'aimes le grinding. Moi, t'aimes souffrir. T'aimes ça grinder dans les bars, là. C'est comme... Moi, ouais, j'aime tout le temps ça, tu sais. Avec, tu sais, je viens de... Comment quel joke ça lasse, là? Je fais mon effort de guerre, là. Fais-en. Moi, je suis perdu le momentum. Je faisais ça avec Eric Lapointe, puis... Hey, OK. Fait que là, moi, je vais vous parler d'un petit jeu qui est sorti récemment. Ça s'appelle Fait. Fait les dons, hein. Ça a l'air que c'est Fait qu'il faut dire. Ou Faire. C'est développé par Zoink. C'est publié par Electronic Arts. Oh! Oui, Zoink, mais une lettre de différence. Hey, il y a une lettre de GF. Je suis bon d'être au téléphone avec mes avocats. Puis c'est disponible sur Switch, PS4, One et PC. Ça fait partie de la nouvelle initiative de EA qui est de justement publier des jeux indépendants, mais de les financer entièrement puis de pas mettre le pied dans la porte à aucun moment de la production du jeu. Fait que c'est quand même bien. Dans le fond, ils donnent le cash puis ils donnent la plateforme puis allez-y. Wow. Ils ont fait la même affaire avec A Way Out. C'est ça, c'est EA Originals. Dans Fée, on incarne un espèce de petit bonhomme. Lui, il ressemble à, je sais pas, un lièvre mélangé avec un Pokémon. Dragon, il ressemble à Yoka Lélé. Alguleux. Ouais. Puis c'est ça. Puis, bref, dans Fée, On est dans une, on est dans une espèce de forêt comme ça, monochrome, puis on essaie de découvrir qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune explication vraiment précise. Le narratif, c'est vraiment le jeu qui te le présente. T'as aucun texte, aucun vidéo qui va te montrer quoi que ce soit. Puis en fait, il faut que tu évites certaines bibites qu'il y a dans ce jeu-là qui essayent de t'anéantir, comme celle-ci, comme eux autres qui sont là. S'ils te voient, ils te détruisent. Puis, en fait, tu vas aussi rencontrer d'autres petits animaux. Puis ces petits animaux-là que tu vas rencontrer, ils vont t'aider quand tu communiques avec eux à faire des choses différentes comme voler, sauter, grimper. Tu vas avoir comme plusieurs choses que tu vas pouvoir faire grâce à ces animaux-là. Comment on chante avec ces bonhommes-là? Eh bien, tu vas te mettre à chanter, puis là, tu vas bouger ta manette, tu vas l'incliner. Puis il y a comme une espèce de petit rond sur une ligne qui va sortir des deux bouches, puis qui va se mettre au centre. Puis là, finalement, ils communiquent. Les deux espèces communiquent ensemble. Faut-tu que tu chantes pour vrai? Là? Non, faut pas que tu chantes dans ta manette pour vrai. Ça serait revenu comme dans le temps de la déesse. Là. Ils chantent là-dedans, puis ça sonne comme... ça sonne comme Justin Bieber qui a gastro, c'est vraiment bizarre. Il y a comme un peu E.T.-esque ses bords. Puis c'est ça, c'est un jeu qui se veut vraiment très cute, qui veut rappeler justement Journey ou les jeux un petit peu plus artsy. Il y a rien avec la pas de life, direction pas de score, artistique. Pas non. De rien. Hein, c'est ça, t'as aucune interface, chose que moi j'apprécie beaucoup dans un jeu vidéo. Sauf que des fois, tu vas avoir des petits prompts là, qui vont te dire « Ok, là-dessus, il faut que tu pèses sur R si tu veux faire telle affaire. » Puis tu vas avoir des petits objectifs quand tu vas vouloir passer d'une partie à l'autre de ce monde-là qui est comme une espèce de gigantesque forêt. Ce jeu-là, il est quand même de base assez contemplatif. T'as des moments où t'as de la furtivité et tout ça. T'as pas vraiment de combat parce que toi, tu peux pas te battre contre personne. T'as aucune arme pour te battre. Fait que quand il y a du combat dans ce jeu-là, c'est les autres qui le font pour toi. C'est d'autres espèces qui le font pour toi. Puis t'as cette espèce de mécanique-là de grimpage qui est une des affaires vraiment cool du jeu. C'est que tu grimpes sur les arbres, tu peux sauter sur un autre arbre, puis tout ça. À un moment donné, t'as une espèce de gros géant avec des arbres partout sur lui, puis tu vas monter sur lui jusqu'en haut. Donc c'est un jeu qui a vraiment ses bons moments, mais son plus gros défaut à ce jeu-là, c'est malheureusement son look. Qui est de base vraiment intéressant visuellement, il va finir par être beige, en fait. C'est que tout est pareil. Ouais, tout a l'air ça, pareil. Hein. Fait que t'as jamais cette espèce de feeling de nouveauté qui est si excitant dans un jeu vidéo. Puis surtout dans un jeu comme ça où on veut que t'ailles découvrir, que t'ailles explorer. T'as jamais le goût vraiment d'explorer. T'as pas d'incitatif. Puis quand tu regardes... tu sais, admettons, là, je suis dans la zone mauve. Après ça, moi, être dans la zone bleue. Là, moi, être dans la zone verte. Ouais. Mais c'est comme le métro, tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est morne un peu. C'est pas mal tout le temps pareil. Puis côté platforming, c'est un jeu qui me rappelle un peu mes pires moments de platforming de la 64. Ah ouais. Tu vois quelque chose, tu te dis, je peux y aller, mais non, tu peux pas vraiment y aller parce que c'est croche un peu, c'est rond, Ma bête noire. Fait que là, t'essayes des affaires. Puis là, tu vas finir par y arriver, mais c'est comme, il y a un terme qu'on dit en anglais, c'est « clunky ». Puis je trouve ce jeu-là, c'est un jeu qui est clunky. Tes contrôles sont là. Quand tu pèses sur le bouton pour sauter, il saute. Mais t'as l'impression que tu voudrais que le personnage colle à des objets. Tu voudrais qu'il saute sur quelque chose puis sentir justement cette espèce de feeling, le fun que t'as dans un platformer. Dans le fond, quand tu l'as pas là-dedans. Dans le fond, dès que tu sais qu'est-ce que tu devrais faire, ça devrait pas être un challenge de le faire en tant que tel. Ça devrait être le timing puis tout plutôt c'est que ça. Justement... Puis là-dedans, en plus de ça, tu vas aller chercher des skills, comme justement, entre autres, tantôt, tu vas aller chercher le skills de voler, admettons. Ben, il va falloir que tu rassembles des pierres pour les amener sur un hôtel. Puis là, à ce moment-là, il va falloir que tu ailles sur une espèce de socle qui est au milieu du niveau, puis que tu ailles chanter. Puis là, tu vas marcher autour du tableau, puis là, tu vas regarder le tableau, puis tu vas faire comme « Chris, j'étais ici tout à l'heure, J'étais peut-être pas ici tout à l'heure. Puis là, t'es complètement perdu parce que ça fait à peu près 2 heures que tu vois le même est-ce que l'environnement mauve, sans arrêt, mauve ou bleu, puis là, t'es perdu. Fait que là, t'ouvres ta map, tu checkes ta map. Ah ouais, j'étais pas là, finalement, puis là... Fait que ce jeu-là, je trouve que c'était comme de la confusion par-dessus confusion, puis c'est dommage parce qu'il y a des moments vraiment beaux et que t'es « wow, c'est tellement magnifique, la musique est écœurante ». Tu sais, des fois, il y a justement des moments avec des animaux où c'est féerique. Le moment où j'ai parlé tantôt avec le colosse, c'est vraiment malade de monter sur une espèce de géant dans cet environnement-là. C'était cool, tu sais. Mais c'est un jeu vraiment où moi, j'ai eu plus de problèmes, tu sais, à me battre contre le jeu qu'à avoir du fun avec le jeu. Puis, tu sais, ouais, c'est souvent comparé à des expériences contemplatives et artistiques. Ouais, puis ouais, moi, dans ces expériences contemplatives et artistiques, entre autres, Abzu, c'est un de mes meilleurs jeux de tous les temps. J'ai vraiment capoté là-dessus. Mais c'est parce que ce qu'il fait, il fait bien, puis il te donne pas de challenge en même temps. Il essaye pas d'être arty, puis de te donner un challenge. Ça enlève la frustration, tu sais. C'est ça. Puis là-dedans, ben, t'as des challenges. Il faut que t'essayes de te retrouver dans un environnement. Puis je trouve que la pire décision que l'équipe de Fae a faite, c'est vraiment de donner ce look-là au jeu. C'est, ça fait des Christy de beaux screenshots, mais en jeu, ça fonctionne pas. C'est comme la crème glacée. En cornet, c'est bon, en galon, c'est cœur. Wow! Ouais, c'est, hey, c'est bien dit, c'est ça. Beau, ça. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a, peut-être, il y a peut-être certaines personnes qui vont trouver qui vont trouver leur compte là-dedans, mais moi, j'ai pas trippé tant que ça. Puis c'est un jeu qui est quand même 30$, fait que pas trippé pour 30$, c'est jamais le fun. Y a-tu quoi qui est pas 30$, ça, c'est-tu? Ben, c'est quand même lié, t'sais. Moi, je trouve que lui, ce jeu-là, ça vaut 15$, là. T'sais, ouais, ça vaudrait 15$, ça aurait pas payé de l'allure, mais 30$, c'est trop. Pour toutes ces raisons, je lui donne un 6.5 sur 10. Comme tout le monde dit que j'attendais un beau 5, moi, là, un violent 5. Là. Non, mais il y a quand même des bons moments dans un ce jeu-là. Un 6.5 de Bruno, c'est à peu près comme un 3 du commun des mortels. C'est ça, exactement. Balance un peu, puis c'est Mais tu sais, imagine, le monde dit tout le temps que j'aime tout. Ben, j'aime pas tout. Puis c'est rare que je prenne ce jeu-là. En plus, je l'ai acheté, j'avais le goût de jouer. Ah, tu l'as acheté avec ton ouais, gros Ouais, je l'ai argent. Acheté, c'est pas Yé qui nous a envoyé un code, là. Fait quand le monde te dit ce que t'aimes tout, tu réponds. Fait. Ouais, c'est ça, fait. Regarde la critique de fait. Fait que c'est ça, sur ça, on va y aller avec les aventuriers de la Hongrie. L'Hongrie. Ça, c'est ma face, ça, de samedi. Hey alors boy, j'étais complètement. Pourquoi samedi Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Ton magnifique chapeau bateau. Samedi, c'était la vente chez Arcane Montréal. Et c'était bien agréable. Il y a eu beaucoup de monde, comme d'habitude. Un beau line-up à l'extérieur, comme je les aime. Une belle ligne. Et puis, toute la gang était là, les chummies. On était pas mal, on était beaucoup cette fois-ci. On était beaucoup. Ben, y a des Ontariens qui nous ont surpris Ontariens. Aussi. Y a un groupe Facebook qui s'appelle le CDN Canada. Vintage Game, je sais pas quoi, mais tapez CDN. Là. C'est un peu comme un CCJVQ ontarien, mais avec beaucoup, beaucoup plus là, de resellers au travers. Coup de vente, ouais, puis il y a personne qui est chasse ou whatever, tu sais, comme ils sont libres là-bas. Ouais. Fait que c'est un groupe quand même casual, agréable, où est-ce que ça se prend pas au sérieux, mais c'est quand même un peu sérieux, tu sais. Okay. Comme quelqu'un envoie chier un autre, il se le fait dire, là. Fait pas ça. Mais, tu sais, il y a de la vente, là, en masse. Donc, allez voir ça, c'est une communauté, tu sais. Tranquillement, on apprend à les connaître, ouais, ces gens-là. Et puis, il y en a deux qui se sont pointés à la vente en fin de semaine. C'était bien gentil. Il y en a qui sont allés les voir là-bas aussi dans le passé. Donc, voilà. Alors, on était beaucoup de monde. On a ouvert la bière midi. Eh boy! Puis moi, j'ai pris ma dernière à 1h du matin, là. Ah non, moi, à 11h, j'étais brûlé. 13h à l'arcade. T'as bu 13h de temps. Hey, 13h. J'ai pas bu. Tu sais, moi, j'ai aucun... Je suis pas capable de m'en empêcher. En plus, j'ai tout le temps une bière dans les mains. Je peux pas ne pas rien avoir dans les mains. Ouais. Puis c'est juste, tu sais, on a des produits de qualité. Fait que c'est juste la double IPA. Pas de la double, la nord-est, des affaires à 8% puis à 7%. Hey, man, aucune goutte d'eau, là. J'ai juste bu de l'alcool. Manger des frites puis du sel. J'aurais pas voulu être dans ta tête le lendemain matin. Dimanche, là. T'avais l'air je voulais me suicider. J'étais tellement mal. Là. Je pensais vomir. J'avais une grosse journée. Il fallait tout faire le ménage de la maison parce qu'on avait des visites libres. Puis on s'en allait visiter deux autres maisons. Puis man, on a une grosse journée. C'est quand tu sens le lendemain. Une journée de l'argent. Je rentre chez vous puis ça sent la bière. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais c'était le fun pareil. Ça m'a dompté. C'était une bonne journée. Écoute, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Il y a un flow constant au moins pendant 2h30 de gens qui sont venus. Des gens qui nous ont parlé du show aussi, qui nous écoutent, qui m'ont parlé de Prépuce par rapport au dernier épisode. Il y a tout le temps du monde qui écoute le show, en fait, dans ces événements-là, puis qui viennent nous voir. Ça, c'est super cool. Nice. puis excuse, je t'ai coupé. Mais non, mais c'est ça. Écoute, c'est une grosse vente. Nous, on avait vraiment amené une montagne de stock. Je pense qu'on n'avait jamais eu autant de stock que ça. Puis évidemment, il nous en reste encore pas mal. Ouais. Ben là, c'est la relâche, mais je vais publier le reste. C'est ça. Reste après aussi, la relâche, là. Ben du NES. Ben, des belles affaires. T'sais. Ah non, écoute, nous autres, il nous reste des Chrono Trigger, Contra 3, Mega Man X, des Zelda, des Mario Kart. On en a comme, je pense, 3-4 de chaque. Ça n'a pas vendu cette journée-là. Reste... Ben, ça a vendu, mais on avait tellement. Chose, que... C'est ça. C'est très différent. C'est plus casual, un peu, tu sais. Ouais, c'est mettons, il y a un vendeur qui avait des Dragon Fighter complets en boîte. Tu sais, au NES, juste le cart, il vaut 300-400$. Lui, il avait deux complets en boîte, là. Mais tu vas pas vendre ça à l'arcade, tu sais. Non, c'est ça. Tu vas vendre des jeux à 10$. Hey, Carnov, si je l'ai pas. Ouais. Tout le monde y achète ça, mais il achète pas des ultimes, là, jeux de fou de malade, là, tu sais. Ouais. Mais ce qui est bien correct, parce que, tu sais, ça fait une diversité. Ah oui. Puis le bar est ouvert la journée, fait que le monde, il reste, prend une bière, on voit plein de monde, tu sais, plein de monde de la communauté. Bien chaud, on est bien chaud. Puis, ben, écoute, veux-tu nous montrer ton stock, parce que... Ben oui, parce que moi j'ai pas emmené mon stock. Ah, t'as parlé de ton stock. Ben, veux-tu en parle-en parce que ça va être plus impressionnant maintenant. En fait, maintenant. Moi, mon stock, maintenant, j'ai fait une vidéo sur ma page de Papa Cassette que je le présente. Ouais, c'était le fun, ça. Ouais, juste au lieu de l'écrire, genre, puis de mettre une photo, je me suis dit, Chris, on va faire une vidéo. Moins long. Ouais. Pas mal moins long, puis pas mal plus dynamique. C'est pour ça, les vlogueurs. C'est ça! Ah, influenceurs dans l'âme. Influenceurs, ils se transforment. Ah, ouais. Influenceurs, mon gars. Ben là, ça m'a comme... Puis j'ai eu des super bons commentaires par rapport à ça, tu sais. Puis dont du monde que je m'attendais pas, fait que ça m'a comme stimulé. Fait que je me suis dit, dorénavant, je vais les empiler, je vais faire une vidéo. Ben oui, t'as un bel éclairage, man, dans cette salle-là. Ah, c'est ça. T'es clean. Fait que là, j'ai rien emmené pour ça, parce que moi, je vais parler de Switch après Fred, parce que c'est mon délire de l'heure. Fait que voilà, j'en dis pas plus, je vais faire une vidéo, puis je vous le partage. Ben oui, ben oui. Fait que montre-nous, là, tes dernières acquisitions. Ben écoute, moi, dans les derniers mois, parce que j'étais pas là la semaine dernière, comme on se préparait pour la vente à l'arcade, on a évidemment acquis plusieurs lots. Et quand on commence à en acheter, généralement, c'est à ce moment-là qu'il y en a toujours plein qui nous arrivent sous la main. Donc, j'ai vraiment débordé, puis ma collection a pris toute une shot, mais mon compte de banque est correct, maman, je tiens à te le dire. C'est vrai, donc, elle là, écoute le show. J'ai mon sac à dos. Fait que là... Tu veux-tu la cam là ou tu vas y aller sur la cam à Dom? Écoute, je vais passer à Dom, puis Dom va aller. Ah ouais, moi je vais aller. Moi je vais aller. Fait que c'est bien grand. Tout ça. Attends, je vais me suyer les mains sur mon chandail. Tout ça a commencé. Moi je fais beaucoup les friperies, puis il y a un jeu que ça fait longtemps que je voulais. Ouais, exactement, m'acheter du linge, puis du savon. Puis il y a un jeu que ça fait longtemps que je voulais avoir, et puis je suis tombé là-dessus. Vraiment, out of nowhere, il y avait juste ça de nouveauté. C'est Ikaruga. Oh. Ikaruga. On en parlait tantôt. On en parlait justement tout à l'heure. C'est un schmop vertical. Pour un gros 4$, toi. Tout ça, l'intablette. Ça vaut 60. 60-70, mais c'est dur à trouver. Il n'y en a pas tant que ça. C'est comment scraper une pochette avec une quote de critique? Ah, écoute, man. The frotting demand is dur. This game is increased. Ça, c'est un cool jeu à avoir au GameCube. Là, parce qu'il y en a. Ça, c'est un schmop vertical purement japonais de treasure. C'est malade. Mais là, je vais vraiment du coq à l'âne parce que mon sac, j'ai pas le contrôle dans quel ordre que c'est. Puis un Wings of War, c'est notre ami le bon Matt qui avait ça. Puis au Sega Genesis, un shmup assez difficile. Ça rappelle Gradius, mais avec des hommes avec des ailes. Cogner un dragon. Des hommes ailés. Sinon, un ami qui est arrivé m'a dit hey, j'ai retrouvé une boîte de boîtes chez nous, ça t'intéresse-tu? Fait qu'on s'est fait un trade. Puis je rajoute des petits morceaux à ma collection, puis là je vous en montre quelques-uns sur Grenu. Quelque chose qu'on voit pas souvent, un Streets of Rage 2 au Game Gear en boîte. Hey, c'est-tu pas beau ça? Les jeux Game Gear sont brandés mauve au lieu d'être rouge. Du Game Gear en boîte, on en voit pas souvent, mais bon, je suis bien content de rajouter ça à ma collection. C'est quand même une pièce intéressante. Tu peux vraiment vous accrocher sur un crochet pour vrai chez vous. Exactement. Sinon, la même personne avait d'autres jeux de portable cette fois-ci. Les deux Zelda, Oracle of Ages et Oracle of Seasons sur... Tu m'avais pas acheté le lien, justement? Ben oui, mais là, maintenant, j'ai les boîtes pour les mettre dedans. Là, on parle ici de la version pauvre, c'est-à-dire non chromatique. Non, il y en a une qui l'est, mais pas l'autre. Il y en a une qui l'est chromatique, la rouge. Mais écoute, je sais pas c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux, mais on sent... Puis moi, ça me gossait tellement... Moi, je sais, tu joues en parlant de ça. Que je me suis trouvé un Ages chromatique. Distribution. J'arrivais pas à dormir. Mais c'est des excellents jeux. Dom, t'as le sommeil facile. Mais tellement pas. Mais bref, fait que ça c'est un autre échange, mais le plus gros coup cette semaine est venu d'un collègue de travail qui m'a contacté et m'a dit ouais, je sais que tu ramasses tes vieux jeux et tout. Écoute, j'ai du stock qui dort chez nous que rare, tu sais, du beau stock. Puis je vais commencer ça avec juste un petit jeu comme ça, un petit Mega Man 2 complet au Game Boy. Donc ça au début, ça faisait pas partie du lot initial. Parce que dans le lot initial, il y avait quand même du gros stock. Alors, je vais y aller progressivement. Parmi les choses qu'il y avait, parce que j'ai pas tout apporté. C'est tellement beau des petites boîtes. Un Secret of Evermore complet au Super Nintendo. Donc ça, tu te dis, ben c'est correct. C'est pas un jeu qui est si dispendieux que ça. Non. Mais complet, quand même très c'est fun. Complet, c'est fun? Beau. Moi, c'est comme le RPG fun. Un petit peu laissé de côté c'est, au Super tout NES, pas, mais tout de même respecté. C'est ça. Ah, c'est Squaresoft. Exactement, mais c'est un studio nord-américain qui l'a fait. Moi, ça me fait penser à un mix de Earthbound avec Secret of Mana, mais je suis cave. Fait que, écoutez-moi pas. Mais moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Puis, sinon, un morceau qu'il y avait qui m'a offert, puis que j'avais pas, puis que j'avais pas le choix de le prendre, c'est un Chrono Trigger aussi, CIB au Super Nintendo. Avec les posters, les inserts, puis tout, là. Ouais, c'est dedans, là, c'est dedans. Puis, écoute... La boîte est un petit peu maganée. La boîte est pas top-notch, mais le prix, on n'en parlera pas pour... Ouais, madame, ça m'a coûté quelque chose, mais c'est sûr que j'ai tout pris. Fait que, c'était un peu moins cher, mais c'était quand même cher. Okay. Là, la pièce de résistance, c'est un morceau, c'est un jeu. J'aime pas les RPG. Là. J'aime pas les RPG, puis là, je vous montre des RPG depuis tantôt. Ouais, il y a un jeu qui fait une exception au Super Nintendo que j'aime bien, et c'est Earthbound. Et là, maintenant, Là, c'est une petite grosse boîte d'Earthbound. La cassette Costco. Le Costco de la cassette. Donc là, le Earthbound avec la boîte et le guide en dedans avec les petits scratch and sniff et les affaires. C'est beau. Donc ça, il manque-tu le tray en carton? Il manque le maudit tray en carton dedans, par exemple. Ça fait mal au cœur. Parce que ce tray en carton-là, est juste seul, et je pense que c'est un 100$ à peu près à trouver. Mais tu sais quoi? Un moment donné, tu vas en trouver une copie plus complète. Exactement. Encore, tu vas cannibaliser ça pour mettre ça avec du plaisir là-dedans. Ça permet d'admirer qu'il y a un petit gars dans le robot. Ouais. Parce que tu le vois pas sur la cassette. On le voit finalement. Exactement. Il ça, est c'est gros. Quand même quelque chose là, que le monde sont comme « Ah, Earthbound, c'est rare. » C'est pas le jeu le plus cher qui existe. C'est pas le plus cher. C'est pas le plus rare, même qu'il a perdu de la valeur au cours des dernières années. Ouais, les dernières années, avant, perdu, c'était 2,40. À cette heure, le jeu tout seul est 200. Dans le fond, j'en avais évidemment, ça m'a fait quelques copies loose des jeux que j'avais. Que ça faisait partie un peu de mon équation de « Est-ce que c'est raisonnable ou non d'acheter tout ça? » Fait qu'évidemment, les loups sont partis, sauf le Chrono Trigger sur Retro Love. Allez voir. Archer bientôt cette semaine. Mais effectivement, ça a perdu un peu de valeur, mais c'est quand même encore un bon montant. Pareil, mais pour le commun complet, des mortels. Comme ça, la grosse boîte parfaite, là. Pleine, le trick, c'est genre 1000. Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que sur Price Charting, c'est dans les 700. OK. Puis dans les boutiques, c'est dans les 1000. Fait que dépendant d'où est-ce que tu te ressources. Ça vaut 700, mettons, là. Écoute, moi, je dirais pas le prix que j'ai payé, mais c'était dans peut-être plus proche de Price Charting que, ouais, c'est ça. Que le prix de la boutique. Mais bref... Des belles fiertés, ça. C'est ça, c'est du carton pas mal. Oh, nice. J'ai besoin de mettre du carton parce que je trouve que je passe plus de temps à regarder mes tablettes qu'à les jouer. Donc là, maintenant, au moins, j'ai un moment donné, j'ai un collectionneur, il pogne ça. Moi, exactement. Jamais que je vais acheter des boîtes! À cette heure, je suis comme, y a-tu la boîte? Non, j'en veux pas, Calis. J'ai la boîte, j'ai pas livré. J'en veux pas! L'autre fois, Fanny. Je veux complet. L'autre fois, Fanny est rentrée à la maison, puis je venais tout placer ça, puis là, j'étais assis dans le sol avec ma bière, puis je regardais mes tablettes dans le noir. C'était vraiment l'air d'un gars qui regarde sa terre. Là, ah, puis... c'est vraiment. Ça. C'est vraiment. J'étais bien en crise. Là. Faut faire que tu fasses un RPG. Là. Ben là, écoute, j'ai avec ça un, ici, avec là. Un lot de même, ça n'a pas de sens que tu fasses pas un RPG en 2018. Faut faire un Mega Man 2. Mais ouais, écoute, là, j'ai commencé Secret of Mana. Là, ce que je pense que je vais faire, là, je fais une petite pause ici, c'est que j'ai lancé mon Twitch dernièrement. J'ai pas eu beaucoup de temps avec toute la maudite vente et tout. Mais là, je pense que je vais me faire Secret of Mana, mais sur la SNES Classics, mais avec Fanny, justement. Fanny, elle aimerait ça qu'on fasse des Twitch ensemble, tu sais, au lieu pas juste Sonic. Donc. Fait que je pense qu'on va se lancer dans cette aventure-là. Ben oui. Tu veux plus de views, des Switch? C'est ça, Twitch. Avec des camisoles pis tout. Là. Ouais, sexy, là. Excuse. Ce qui pogne, c'est pas ça, que... ça ou des Extend VR, ça pogne au bout. Ben, déjà, ça le pète, là. Ouais, c'est ça. Ouais. T'en as-tu des camisoles comme ça, Fred? Ouais. Je peux t'en prêter. Tout ce que je peux dire, c'est que Fanny a déjà contribué à un blog féministe, donc je pense que j'aurais juste fermé ma gueule et pas proposé ce plan-là. Ouais, mais toi, avec deux collants Retro Love, là, en c'est chest... sûr que j'ai du plus de cleavage en ce moment, peut-être, là, je ça sais pas. C'est fantastique, mon gars. Bon, ben, coudonc. Ben, non, mais vas-y, donne-moi. Sauvé par Zardoz. Parce qu'il fallait, je te coupe, mais d'un, deux, trois minutes encore, si tu peux en parler. Bon, deux, trois minutes, c'est beauté. Chris. Ben là, c'est Fred qui prend tout le temps. Ben, avec de riche. Fait que, donc, je suis dans un trip de Switch. J'ai acheté une Switch pour la collectionner avant... Ben, pas pour la... parce que les indies allaient là-dessus. Puis là, ben, ouais, j'achète tous les jeux indies en copie physique qui m'intéressent. Et puis, Nicalis ont des first print vraiment ouais, intéressants. Comme je peux montrer ici, Wonder Boy, ah ouais, qui est sorti. Ouais, je ne l'ai pas déballé encore, mais je vais le déballer, inquiétez-vous pas. Et puis, Nicalis, dans leur first print, on voit qu'il y a tout un petit sticker qui montre dessus que c'est un. Il y a des goodies inside. Ouais. Puis c'est cette version-là que tu veux. Parce que moi, j'ai acheté ça au Wonder Boy, je vais y jouer. Dernièrement, je me suis pogné Tiny Barbarian, qui était assez ouais, et j'y joue présentement. Fait que je l'ai ouvert. Puis là, regardez ça, c'est beau. Ça, ça vient avec une petite pochette dans laquelle il y a un petit porte-clés. Un petit porte-clés du petit bonhomme sur un abeille. Porte-clés, trouillé, trouillé. Un petit porte-clés dans la cassette. Il y a un livret aussi. Et hey, puis un moi, livret. Livret, wow. C'est livret, un livret couleur. Parce que quand t'achètes un jeu Nintendo, il y a fuck all. C'est même ouais, pas imprimé en dedans. Il y a rien. Fait que, puis même moi, je suis tellement. Hey, c'est un livret de Game Boy en plus. Je garde le petit sticker qu'il y a sur le dessus. Ouais. Wow. Je le mets dans le livret, tu sais, pour montrer que je l'avais, là, l'original complet. Ouais. Fait que là, bien sûr, étant grand fan de Cave Story, je voulais le Cave Story, mais il y a eu une édition EB GameStop qui est sortie, qui lui avait aussi le petit pochette avec un porte-clés. Mais maintenant, elle n'est plus disponible, cette version-là. Faut la... Je l'ai traqué sur, sur eBay. Mais sinon, là, il y a un livret, CD. Et puis un soundtrack, et puis le jeu. Est-ce qu'ils ont déjà pris de la valeur, ces jeux-là, en fait? Ben, moi, ben pas encore, parce qu'ils viennent de sortir. Mm-hmm. Mais moi, je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine, surtout ouais, comparativement à un download. Parce qu'un download, ben, c'est un download. Ah ouais, si à un moment donné, tu veux plus ces jeux-là, t'es revends, puis au moins, tu récupères ton argent un peu. Ouais. The N is Nigh. Moi, je dis Nigh, je pense qu'on dit ça comme ça. De Nicalis aussi, qui est un genre de Super Meat Boy auquel je joue. Lui, il venait avec, bien sûr, un guide. Puis un petit bonhomme squishy, comme ça, que je ne déballerai jamais. Donc, c'est tous des beaux packages de Nicalis. Vraiment. Hein. Vraiment. Donc, ça, c'est mon gros trip, là, présentement. J'ai précommandé aussi Shantae, que je vais recevoir Half Genie, Half Hero, ouais, que je vais recevoir le 1er avril. Fait que je vais revendre ma copie Sealed Wii U. Puis, tu sais, comme tout arrive sur la Switch, je vais tout à revendre mes affaires de Wii U. Ben oui. Puis, je me suis pogné aussi, pour finir, superbe Azure Gun Striker. Voyons. Azure Striker Gun Vault Striker Pack. C'est-tu dur à trouver, ce jeu-là? Non. Il y en a plein eBay. Parfait, OK. Fait qu'il n'y a rien bien, dedans. C'est triste de même. Fait que c'est Azure 1 et 2, et ça ne contient pas Mighty Gun Vault, qui était ouais, la version Mega Man NES 8-bit. Très cool, mais il paraît que c'est excellent. Ça, pour ceux qui ont tous été déçus oh, des Mega ouais, Man, c'est là, bon, ça. Ça, tu joues à The ça. Mighty Number 9. Alors, voilà, fait que je vais parler de jeux Switch bientôt en critique à Rétro Nouveau, bien sûr, le temps que je les finisse. Ben oui. Mais je les ai tous achetés parce que je suis stressé, mais là, je suis correct. Là. Oh, là, ouais, là, je dors. Pour ça, je dors. Mais je garde quand même... parce que on parle, tu sais... Cuphead, ouais, à un moment donné, ouais, ça va être partout. Ben ça. Oui. Ben, je suis sûr qu'il va y avoir une copie physique sur, ah, Switch. Ah, va être incroyable. Et hein, mon érection va tellement être dure quand je vais avoir ça entre les mains. Je prends attention. Oh, man. Je la garderai encore un peu sur le back burner, cette érection-là. Là. Ah, c'est pas clair. Ça va venir. Ben, ça va. Puis, sais-tu qu'est-ce qui serait magique aussi? Mais... un package sur Switch, comme ça, de Hotline Miami 1 et 2. Oui. Copie physique. Ben oui. Ah, man. Faites-en. Tu sais, il y a Retro City Rampage, ça ouais, existe. Axiom Verge, ça existe. Ouais. C'est tout en copie physique, ces affaires-là. Hey, moi, je collectionne ça. Ouais. Là, j'en ai des frissons. Fait que voilà, c'est mon délire de l'or cool, gris. Yes. L'or qui est plus si gris. Magnifique. Tu donnes le goût, là. Tu me donnes le goût, là. Je te dis, man, arrête de niaiser avec tes affaires de... Get with the times. Ouais, c'est ça. Okay. All right. Tu t'ajustes, sinon tu vas mourir. Parlant de temps, il nous reste un 7 minutes pour les questions du public. Hey, que, écoute, c'est pas grave. Parce qu'on va se battre. Sors les plus crémeuses. Fait qu'on y va. Fait que bref, les questions du public, encore une fois, en mitraillette, rafale. Alors, tout ça au hasard, pogné dans l'ordre. Alors, on y va avec Olivier Hugo qui demande « Quelle est votre durée de vie préférée pour un jeu solo? » Moins de 10 heures. Ouais, 7 heures pour moi. Solo? Ouais, pour un jeu solo, là, une histoire. Moi, je vais dire, c'est pour un jeu régulier... 10 à 15 heures, un RPG, 120 heures. Toi, mon Jeff, 10 à 12, mettons. Moi aussi, je dirais 10. Donc, le gagnant est 10. All right. Éric Lafrance qui demande, quel a été le pire accessoire de console? Et boboy, hein? Le Super Scope. Ouais. La patente pour prendre le bout de... Power Pad, Power Glove. Ah, ouais, ouais. Moi, le Power Glove et le robot sont deux trucs que j'ai possédés et je suis retourné au magasin l'échanger. Oh my god, ok, je pense que tu gagnes avec cette question. Moi j'ai eu le PowerPad, ça servait, on s'en servait jamais. Ouais, ouais, ça, ouais. On salue l'effort. Ouais. Mais tu sais, il y en a plein d'autres. Le menacer de Sega était un. Il y a quand même un Pogo Ball, là, maman. Oui, Le Pogo Ball, le Rockin' Ball, c'est malade. Ouais, ça. C'est ça. C'est malade, le nombre de gens qui sont morts en jouant à des jeux de LGN avec ça. Bref, Simon Dubois demande faire des full sets de consoles récentes avec des compagnies comme Limited Run. Point d'interrogation. Limited Run, le j'ose pas me mettre la main c'est dans cet engrenage là. C'est du poison, tu vas te ruiner, c'est horrible. Puis ils le savent. Voilà. Puis tu sais, ça c'est au PS4. Justement, moi j'évite Limited Run avec ces Switch. Mais tu sais, ce qui me fait chier, c'est que moi ils vont en faire sur Switch aussi. J'ai acheté Wonder Boy justement sur le Limited Run pour que finalement il y ait une hostie sorte copie physique qui sorte en même temps sur PS4. Nicalis qui en a fait une autre. Bref, on a payé 10$ de plus pour rien. Non, c'est Limited Run, renseignez-vous, faites attention parce que ça crée des besoins solides, puis eux autres, ils sont là pour faire de la grosse argent sur le dos des collectionneurs. Des malades, les malades. Ils réussissent très bien à le faire. Ouais. Bon, hey, écoute, on enchaîne avec Jean-François Gagnon qui demande « Quelle couleur est votre manette? » Bruno, si tu sais... Quelle couleur est notre manette? Ouais! Est-ce que t'as des quoi manettes? Il parle? Notre manette? Ou... Non, t'as pas ton bat, la manette, là. Pas ton joystick, là. Ouais, la manette. Noir. Ouais. Moi, il y en a-tu qui ont des couleurs spéciales? Ben, j'ai le bon vieux Fight Stick noir de Bison, Monsieur Bison, Shadowloo. Ouais, bon, donc, ça c'est cool. Hein. Mais moi, je veux les Joy-Con jaunes, vertes, acides, là. Je les trouve bien ouais, belles. Ouais, moi, avec les Joy... Ouais, les jaunes, je les adore. Non, belles, hein? Je pense que je vais les acheter. Mais j'ai la... C'est 100$. Moi, C'est cher. Ça, c'est cher, là. Ouais. Cher. J'ai la Pro Xenoblade Chronicles 2. Ah oui, c'est la douche manette, comme, là. Est comme rose fluo. C'est ça a l'air d'une manette de brossard, là, qui s'en va, chiller, genre, au fuzzy. Mais à chaque fois que je regarde, je me dis, je sais pas combien de monde l'ont dans les mains, tu sais. Le petit feeling, le fun. Yeah! C'est un bel appareil. Stéphane Beaumier demande « Avez-vous déjà brisé du matériel comme une manette, un Game Boy, lors d'une session particulièrement intense de gaming frustrante due à une difficulté trop élevée? » Bruno, est-ce que t'as l'air de savoir quoi répondre à ça? Oui! J'ai brisé un Game Boy de même. Ah, mon père. Ah ouais, tu l'as lancé? Ouais, j'ai lancé un Game Boy. J'en ai deux des Game Boy, en fait. Ben, j'étais vraiment jeune, là. Je me souviens pas de l'âge exactement, mais... J'étais en camping, puis j'étais en train de jouer à Castlevania, le style Castlevania lent. Ouais. Puis justement, j'étais comme « Ah! » Puis là, je l'ai comme pitché dans roche, puis ça a pété. Il a littéralement pété en deux. Ouais, man. Moi, c'est arrivé une fois là, que j'ai vraiment pogné les nerfs. Je me suis levé, puis quand je suis venu pour le garrocher la manette, j'ai comme réfléchi, j'ai fait comme « Ah non, je veux pas péter ça. » Puis j'ai comme tiré sur le divan. C'est la technique. Ah, mais moi, je le fais aujourd'hui, ça. C'est ça. Hier, pas plus tard qu'hier, à Tiny, mon Barbarian, j'ai dit « Tabarnak! » J'ai lancé dans mon Switch, oreiller, man. Puis là, c'est comme « Pouf! » Puis là, c'est correct, mais hostie. Mais moi, je punch à côté de moi. Moi, dans le sofa, là. Wolfenstein, là, je te dirais que le chien a jumpé une couple de fois sur le sofa. Ouais, moi aussi, j'ai trop de respect pour mon matériel, puis je connais la conséquence. C'est ça, c'est la chasse, hein. Exact. Mais j'ai mordu ma manette NES une fois quand j'étais petit. Les traces dedans sont restées ça pour toujours. Mais c'est pour ça, la NES Max, c'était génial. La NES Max avait des handles pour mordre. Moi, si tu veux me dégoûter dans vie, tu me présentes une manette mordue par j'ai dit, hey man, prends un Player 2. Là, tout... Mais en fait, c'est plus dégueulasse la personne qui l'a mord, qui m'a toutes les bactéries. C'est l'équivalent de lécher genre 1000 mains. Mais cette manette-là, elle avait une trace de morsure dessus, puis autour du bouton A, il n'y avait plus la petite texture. Elle était comme lisse, tellement mon pouce. Puis le bouton A était comme semi-renfoncé. Ouais, ça c'est écœurant. J'aurais jamais dû l'acheter, cette manette-là, la moitié détruite. Hein. J'aurais dû la garder comme une icône. De ma vie. Puis toi, JF, dans le VR. J'ai tout garoché par accident, pété des lampes. NES, Super NES, N64, tout garoché ça, moi, chez nous. Là. Ah ouais? J'ai rien brisé, par exemple. Jamais rien brisé. Moi, je garochais dans le divan. J'ai un ami aussi dans la rue que. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Il a sorti une cassette, la cassette de Pokémon. Il l'a sorti de son Game Boy. Il l'a pitché à terre. Puis. Elle est tombée à terre, était correct, mais elle est tombée dans les goûts, tu sais. C'est un de mes meilleurs moments de vie. Ça vaut cher à cette heure, ça. Non, c'est bon. Il y a des Ninja Turtles qui jouent avec ça. C'est ça. Laurent Nixon demande « Que pensez-vous des high scores légendaires de Billy Mitchell, qui était dans King of Kong, et Todd Rogers, qui fut retiré pour tricherie plusieurs dizaines d'années plus tard? » Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'actualité, en fait, ils se sont fait reconnaître comme quoi ils auraient triché supposément dans leur score. Ouais. Ils n'ont pas utilisé le hardware. Toi, Dom, tu dois bien connaître une opinion là-dedans. Ben, tu sais, j'ai pas lu tous les paramètres, là, mais j'ai écouté le dernier épisode, ouais, chaque cassette. En parle de très bien, d'ailleurs. Ils ont tout couvert ça. Mais effectivement, les gars, ils auraient triché, puis c'est pas vraiment surprenant de la part de Billy Mitchell, on va te dire. Ben, c'est tellement dégueulasse dans King of Kong, là. C'est tellement injuste, ce film-là. Ouais, c'est un film sur l'injustice. Ça, c'est très stagé, tu sais, mais... Il y a un autre gars aussi dans King of Kong que lui avait un record meilleur que Steve Wiebe, puis il a comme totalement été ignoré du film. Fait que tu sais, c'est pas clean là, cet univers. Mais aujourd'hui, les technologies, les gars sont capables de se rendre compte de c'est quoi le problème. Juste quand le niveau il boot pas exactement pareil. En tout cas. Hey, fait qu'à cause de ça, ils ont vu qu'ils avaient pris du MAME ou une autre affaire, puis qu'il n'y avait pas le PCB original. Ouais. Fait qu'à cause de ça. Mais lui, bien sûr, il va dire. On attend pour une dernière. Bon, Guillaume Simard demande, ça existe-tu des vrais bons jeux de téléphone iOS Android? Oui, ça existe. Ouais, moi, j'en ai. Je joue à des shmups. Ouais. Fun, des shmups. Ah ouais? Ben oui. Puis il y a notre bon vieux classique, Slay-In. Ouais, Slay-In, c'est bon. Mais moi, je joue présentement à Altos Odyssey. Ah, okay. Sérieusement, téléchargez-vous ça, c'est de la Christie de bombe. Puis jouer à Dragon's Quest sur iOS, il est incroyable. Mais il coûte 30$. C'est cool, ça. Ben, moi aussi, je suis d'accord. J'en ai pas qui viennent à l'esprit, mais je trouve qu'il y a des bons trucs. Il y a moi, des Flappy très Bird, bons Flappy jeux. Bird, j'ai joué en tabarnak. Là. Ouais, il est plus supporté. Moi, j'avais Flappy Bird sur ma. Ils l'ont jamais Flappy pour le dernier. Mais Game Dev Story. Que, ah oui, tellement été accro à cette affaire-là. Ma blonde, je vois plus ma blonde depuis quasiment un mois à cause d'Animal Crossing sur téléphone. C'est le camp. Moi, j'ai joué beaucoup aussi à Ridiculous Fishing. Oui, c'est bon ça. Ça, c'est malade. Il y en a plein, mais on dirait que j'ai comme joué à ça quand j'ai eu mon téléphone. C'est pas ta console, le go-to. Puis à cette heure, je trippe moins là-dessus. Je cherche même plus. Ouais, moi, je cherche plus, mais des fois, une fois de temps en temps, je dis « Ah, je vais aller voir ce qui se fait. » C'est comme entre autres, là, il y a le nouveau Final Fantasy XV Pocket Edition. C'est incroyable. Ah ouais, sérieux? C'est vraiment, ils ont tout refait Final Fantasy XV, mais en version chibi, genre. Fait que c'est cute, mais c'est exactement le jeu. C'est comme tout le jeu au complet. Je vais aller voir ça. C'est bien. Il y a Lara Croft Go. C'est bon, Tomb Raider Go, très très bien. En fait, à Montréal. Ok, une dernière parce qu'elle est importante. Luc Lavigueur demande, moi j'aime ça gamer en bobette. Vous autres, c'est quoi votre habillement relax que vous aimez pour gamer? Moi, pantalon pyjama. Ouais. Très slack. Ouais, pantalon très pyjama. Grand et camisole. Mais ça dépend. Moi, si j'ai besoin de finir un jeu, faut que je sois habillé comme je t'ai habillé dans la journée. Tu mets une cravate. c'est ça. Là, on termine le jeu. C'est comme un enterrement. Ouais, moi, j'aime un jogging. Ouais. Pyjama. Moi, j'en ai pas, mais ça m'emprunte. Ça te permet d'être plus performant. De... Pantalon de pyjama ou en short pour le VR parce qu'il fait trop chaud dans le bureau. Ouais, moi avec short de basket, genre. Ouais, ouais, exact. Tout le temps, j'ai basket. Tout le temps, camisole, je te vois tellement. Camisole tout le temps, tout le temps. Moi, je fais ça in the nude parce que je me rende vulnérable puis que je sois prêt pour sur la vibration du jeu, c'est comme sur un divan de cuir. Exactement, exactement. Tout à fait huilé. Asti, wow. Mais non, je m'habille pas, Asti. Je m'en vais comme ça va. Hey, non, vous savez, des plans qu'on pogne le rue. Magnifique, là. C'est vraiment. Je pense que je l'ai pas eu. Ça commence à faire des choses, ça. Tout le monde est.